Festival de Cannes hors compétition, sélection officielle 2024. Pâté. Logical Content Ventures. Chapter 2, A Media One Company. Dimitri Rassam et Jérôme Sédou présentent une coproduction Chapter 2, Pâté, M6 Film, Fargo Film, Logical Content Ventures. 1815. Napoléon, chassé du pouvoir, s'est réfugié sur l'île d'Elbe. Alors que ses partisans rêvent de son retour, le nouveau pouvoir royaliste les traque sans merci. Arrestations et exécutions se multiplient dans un climat de guerre civile. Par une nuit de tempête, au large du Cap Corse, le Pharaon, un navire marchand, croise la route d'un bateau en péril. Sous des trombes d'eau, un bateau dévoré par les flammes se consume sur une mer déchaînée. Une frêle jeune femme nage au milieu des débris. Elle s'agrippe à un morceau de mât, le visage fouetté par la pluie. Ballottée par les vagues, elle se cramponne tant bien que mal au cylindre de bois. Dans les reflets orangés des flammes, un jeune homme brun nage à toute vitesse dans sa direction. Elle tente de se maintenir à flot. Le mât roule sur lui-même. Elle disparaît dans l'eau noire. Le jeune homme s'immobilise à la recherche des yeux. Il plonge et la repère sous l'eau. Vêtue d'une longue robe blanche, elle coule lentement vers le fond. Il la saisit par les bras et la ramène à la surface. Il la ramène vers son bateau en lui maintenant la tête hors de l'eau. Deux marins l'aident à remonter à bord. La jeune femme, étendue sur le pont, reprend connaissance et crache de l'eau. Un quartier-maître au visage poupin se tourne vers le jeune homme. Tu lui as sauvé la vie ! Passez-moi une couverture ! Torse nu, il reprend son souffle, les mains sur les cuisses. Le capitaine fonce droit sur lui et le gifle. Ça m'est interdit d'y aller ! Tu descends en cale ! Je veux plus te voir jusqu'à Marseille ! Qu'est-ce qu'il y a ? Le jeune marin le dévisage. Tu me trouves brutal ? Non seulement je le sais, mais je m'en vante. Il reste immobile. Allez ! Le capitaine lui prend la nuque et le pousse violemment. Allez, tout le monde à son poste ! Le jeune marin s'éloigne, le regard mauvais. Mettez-la au sec avant qu'elle crève de froid ! Attends ! Le capitaine arrache un étui cylindrique des mains de la jeune femme. Allez ! Il fait signe à ses hommes de l'emmener, ouvre l'étui et en sort une missive. Sous les lignes manuscrites délavées par la pluie, la signature de Napoléon est tracée à l'encre noire. Sous un beau ciel bleu, le pharaon navigue toute voile dehors. Le reflet argenté du soleil scintille sur la mer calme. La jeune femme blonde, la peau diaphane, rejoint le capitaine sur le pont du Trois-Mâts. Il a des yeux bleus perçants, une barbe brune, des cheveux mi-longs en catogan et un anneau doré à l'oreille. Bien dormi ? Elle lui fait face. Vous avez quelque chose qui m'appartient ? Je n'avais jamais vu l'écriture de l'empereur. Rendez-moi cette lettre. Je crois pas, non. Qu'est-ce que vous voulez ? Une bonne raison de ne pas vous dénoncer. Elle reste impassible. Essayez l'argent. Ça marche souvent. Je n'en ai pas. Mais j'ai des amis. Si vous parlez de cette lettre à qui que ce soit, ils vous retrouveront. Ils vous tueront. Capitaine Danglars. Elle lui lance un regard noir et s'éloigne. Une main sur le gouvernail, Danglars la suit des yeux un instant et scrute l'horizon. Le navire entre au port de Marseille. Au loin, les mâts des bateaux à quai se dressent vers le ciel. Les matelots déchargent le pharaon. Ils vont et viennent, de gros sacs en toile de jute sur l'épaule. La jeune femme emprunte une passerelle et descend sur le quai. Parmi la foule cosmopolite, elle aperçoit le jeune marin élégamment vêtu. Il est grand, mince, le nez long et fin, un regard d'ébène. Monsieur ? Il se tourne vers elle. Je crois que je vous ai causé beaucoup d'ennuis. Je ne sais comment vous remercier. Il secoue négligemment la tête. Vous venez de le faire. Elle lui sourit. Prenez soin de vous. Ils échangent un long regard. Mademoiselle ? Angèle. Edmond. Je n'oublierai jamais votre courage. Mais oubliez mon nom. Elle sourit timidement. Au revoir, Edmond. Au revoir, Angèle. Edmond la regarde disparaître dans la foule. Le quartier maître s'approche de lui et lui pose une main amicale sur l'épaule. Morel veut te voir. Danglars et Edmond suivent un homme ventru dans une immense pièce donnant sur le port. On venait de faire le changement de quart. On était au large du Cap Corse. La houle était forte. On était à moins de 200 brasses de l'épave. Donnez-moi le journal de bord. L'armateur s'assoit à son bureau. On a commencé à taper dans les débris quand Dantès a voulu sortir la chaloupe. Alors je lui ai interdit. C'était une folie. C'est vrai ? Oui, monsieur. Sauf que ce n'était pas une folie, on l'aurait fait pour n'importe lequel de nos hommes. Ça, c'était à moi d'en décider. J'ai pris mes responsabilités. J'ai ordonné qu'on vire de bord. Et c'est là qu'il a plongé. Vous avez plongé. Le capitaine Danglars n'avait pas interdit de plonger. Ça suffit. Vous avez vu cette insolence ? Monsieur Morel, je vous le dis, ce garçon est incontrôlable. Je ne veux plus naviguer avec lui. Morel se lève et fixe le capitaine. Vous ne naviguerez plus avec lui. Ben, tu vois, je t'avais prévenu. Parce que vous ne naviguerez plus pour moi. Danglars se décompose. Pardon ? Comment avez-vous pu laisser une femme se noyer ? J'ai sauvé votre cargaison, monsieur Morel. Et Dantès a sauvé mon honneur, Danglars. Capitaine, Danglars. Vous n'êtes plus capitaine. Danglars baisse la tête. Allez, préparez vos affaires. Je fais régler votre solde. On ne sait même pas qui est cette femme. Je sais ce que vous avez fait, et ça me suffit. Danglars encaisse. Mâchoire serrée, il lance un regard haineux à Edmond et quitte la pièce. Coucou, petit, viens ici. Un garçonnet aux boucles blondes sort de sous une table. Allez. Il s'approche de Morel. Que ça te serve de leçon. Et s'assoit sur ses genoux. Hein ? Quand on est un homme, on ne se cache ni derrière son grade, ni sous une table. Edmond ébauche un sourire et baisse respectueusement la tête. Edmond, je vous présente mon petit-fils, Maximilien. Enchanté, Maximilien. Maximilien, je te présente le capitaine Dantès. Bonjour, capitaine. Alors, quel âge ? Edmond écarquille les yeux. Capitaine ? Oui. Tâchez de vous en montrer digne, Edmond. Bien sûr, monsieur. Bien sûr. Morel se tourne vers Maximilien. Hein ? Des chevaux galopent dans l'enclos d'une propriété aux allures d'hacienda. Dans l'écurie, des mains de femmes caressent avec douceur le dos d'un cheval blanc. Edmond s'approche à pas de loup et observe la jeune femme en souriant. Elle a un visage fin et de longs cheveux bruns. C'est bien. Elle sent sa présence, tourne la tête et s'élance vers lui. Elle se jette dans ses bras. Edmond ! Ils s'embrassent. Moi, j'arrive pas à croire que tu sois là. Je dois te dire quelque chose. Que tu m'aimes. Oui, ça. Mais... Non, il n'y a pas de mais. Attends, mais... Tu recommences. Ils s'embrassent amoureusement. Edmond lui susurre à l'oreille. T'es en train d'embrasser un futur capitaine. Elle sourit. Tu vas être... Oui. Alors on va pouvoir se... Oui, on va pouvoir. Ils s'embrassent. Edmond la soulève. Tu m'as manqué. cheval blanc galope à travers la campagne chevauché par les amoureux. La jeune femme tient fièrement les rênes, Edmond accroché à sa taille. Elle arrête sa monture au bout d'un chemin. Edmond l'embrasse. Il saute à terre. À tout à l'heure. Il s'éloigne sur un sentier bordé d'arbres, son baluchon en bandoulière. Il saute par-dessus un mur en pierre, remet son baluchon à l'épaule et se faufile entre les arbres. Trois domestiques étendent du linge près d'un lavoir. Les deux plus jeunes lui sautent au cou. Edmond ! Juliette ! Edmond ! Tu vas bien ? Et toi ? Ouais. Ça va ? C'est Edmond, le fils de Louis. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, papa, il faut que je le voie. À la maison. À plus tard. Edmond s'en va, le sourire aux lèvres. Il se dirige vers une demeure surplombant un jardin entouré d'arbres et ponctué de haies de buis. Dans la salle à manger. Mais tu peux sourire, hein, c'est une bonne nouvelle. Tu fais une tête. C'est la joie. Je suis tellement fier de toi. Edmond prend la main de son père. Capitaine. Tu as prévenu monsieur et madame de Morcerf ? Non, pas encore. Je voulais te le dire à toi en premier. Tout va changer, papa. Il faut leur annoncer. Tout ça, c'est grâce à eux. Et à toi aussi. C'est pas moi qui t'ai payé les études de marine. Allez, va, mon fils, là. Va présenter tes hommages. Edmond sourit et se lève. Il embrasse son père sur le front et quitte la pièce. Sous une treille de rose blanche. Alors un toast. Un jeune homme aux cheveux châtain clair. Je lève mon verre au souvenir de ta mère, Edmond. D'abord parce qu'elle nous manque et parce qu'elle a enfanté le plus jeune capitaine de Marseille. Bravo. Oui, oui, bravo, applaudissez-le, bon. Ça le mettra très mal à l'aise. Edmond sourit. Voilà, parfait. Mais surtout parce que Mathilde Dantès fut la nourrice d'un futur pair de France, au destin héroïque, un des plus beaux officiers d'Europe, j'ai nommé Fernand de Morcerf, pour vous servir. Le père d'Edmond apporte un plat. Enfin, Louis, venez trinquer avec nous, c'est l'occasion. Merci, monsieur. Plus tard, peut-être. Il s'éclipse. Je compte sur toi pour gronder Mercedes. Ouais, elle ne m'écoute plus. Tu verras. Elle sera en retard à son mariage. Ah, enfin. Fernand se lève. Ah, je vous prie d'excuser mon retard, ma tante. Oh, bonjour, mon oncle. Horace de Balios n'en faisait qu'à sa tête. J'étais à deux doigts de lui mettre une fessée. Enfin, Mercedes. Bonjour, monsieur le comte. Qui est ce monsieur ? Non, c'est un cheval, maman. Mais rassure-toi, il est de très bonne famille. Bonjour, ma cousine. Bonjour, mon cousin. Mercedes embrasse Fernand et serre Edmond dans ses bras. Edmond. Mercedes. J'espère que tu es prête à faire la fête. Notre petit Edmond a une grande nouvelle à t'annoncer. Oui, oui. La jeune cavalière s'assoit entre Edmond et Fernand. Oui, je vais être capitaine. Capitaine du Pharaon. C'est officiel. Elle feint la surprise. C'est vrai ? Elle lève son verre. Bravo. Au capitaine. Les amoureux échangent un sourire complice. Edmond plonge d'un voilier et rejoint Fernand dans l'eau. Il nage côte à côte dans l'eau étincelante d'une crique. Sur le pont du bateau, Edmond remonte une bouteille de la cale. Je l'ai ! Ah ! À ta santé ! Je suis vraiment heureux pour toi, mon ami. Et bien moi aussi. Je suis vraiment heureux pour moi, mon ami. À la vôtre. Tu vas avoir un nouvel uniforme ? Mmh. Et une nouvelle paye, surtout. Il va enfin pouvoir profiter de la vie, s'offrir du bon temps, et on va lui expliquer comment on fait. Et je vais pouvoir me marier, surtout. Fernand échange un regard avec Mercedes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu vas être mon témoin ? Ah, n'y compte pas ! Ah bah si ! Le témoin d'un gâchis ! Mercedes, dis quelque chose ! Bah, j'ai essayé, mais qu'est-ce que tu veux ? Il est fou amoureux. Ah, complètement fou. Fou. Et elle est au courant ? Enfin, je veux dire, elle est d'accord ? Ah bah oui, d'après ce qu'elle m'a dit, oui. Je sais. C'est Juliette. Qui ? Non. La lingère, avec un regard coquin. Non, non, c'est pas Juliette. Non, c'est une vraie femme. très belle. Pas seulement belle. Mystérieuse et envoûtante. Oui, oui, non, non, aussi, oui. Mais qui est-ce ? L'œil rieur, Mercedes s'approche de son cousin. C'est ta cousine. Mercedes Herrera de Morcerf. Toi ? On va se marier, Fernand. Mais vous êtes complètement fou. Et ta mère ne voudra jamais. Oh, tu crois vraiment que maman peut me refuser quoi que ce soit ? Puis tu seras là pour la convaincre. T'as toujours été son neveu préféré. Mercedes l'embrasse sur la joue et l'étreint. Edmond sourit à son ami. Résigné, Fernand lui ouvre les bras. Seul sur un chemin pentu ombragé par les pins, Fernand retient ses larmes. Le voilier mouille dans la crique, sous un soleil éclatant. Mercedes, en robe de mariée, est assise à l'arrière d'une calèche, un bouquet de fleurs blanches dans les mains. Sur une petite place ombragée de platanes, Danglars, parmi les badauds, regarde passer la voiture décorée de guirlandes de roses. Mercedes entre dans l'église au bras de son oncle. Edmond, en frac gris-perle, l'attend devant l'autel. Fernand, vêtu d'une veste militaire écarlate, se tourne vers lui et force un sourire. Le visage dissimulé sous un voile léger, Mercedes remonte lentement l'allée sous les yeux bienveillants des invités. Edmond lui sourit. Elle le rejoint. Ils s'avancent ensemble vers l'autel surmonté d'une grande croix et échangent un regard radieux. Famille et amis se tiennent derrière eux. Le prêtre écarte les bras et les invite à s'asseoir. Les invités sourient. Fernand baisse la tête. À côté du prêtre, les alliances reposent sur un tissu blanc recouvrant un calice en argent. Omni secula seculorum. Amen. Dominus. Des gardes coiffés de bicornes surgissent dans l'église. Je porte ici, signé de Monsieur de Villefort, procureur du roi, un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Veuillez nous suivre, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ? Non. Non, laissez-le. Attends, il y a forcément une explication. Venez. Lâchez-moi. Attendez. Fernand, fais quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mon fils n'a rien fait. Enfin, monsieur, il s'agit forcément d'un malentendu. Où le conduisez-vous ? Je vous accompagne. Nous avons reçu l'ordre de l'emmener seul, monsieur. Lieutenant. Lieutenant Fernand de Morcerf. Dites à vos amis de nous laisser passer, lieutenant. C'est un ordre royal. Fernand, effaré, se tourne vers Edmond. Je m'en occupe. Veuillez nous suivre maintenant, monsieur. Les gardes emmènent le marié. Ne t'inquiète pas, je reviens, mon amour. Seul devant l'hôtel, Mercedes demeure figée, le souffle court. Un fourgon tiré par deux chevaux pénètre dans la cour pavée du palais de justice. Deux gardes ouvrent les portes arrière. Edmond descend et se fige devant les corps de quatre condamnés pendus à une potence. Les gardes le prennent chacun par un bras et l'emmènent en longeant le gibet. Ils font entrer Edmond dans une vaste pièce pourvue d'un bureau et d'immenses bibliothèques. Edmond Dantès, monsieur le procureur. Laissez-nous. Les gardes sortent. Edmond s'avance. J'ai toujours admiré des marins comme vous, monsieur Dantès. Je n'ai pas peur de grand-chose, mais de la mer. C'est vrai, cet abîme, sans fin. Un homme s'approche en boutonnant les manches de sa chemise. Ces eaux noires. On a l'impression qu'un monstre est toujours prêt à sortir pour vous dévorer. Grand, brun et élégant, il porte moustache et petit bouc. Qu'est-ce qu'on me reproche, monsieur le procureur ? Pourquoi vient-on m'arrêter au milieu de mon mariage ? Est-ce que vous connaissez un ennemi, monsieur Dantès ? Un ennemi ? Oui, ou à défaut un jaloux. Vous venez d'être nommé capitaine, vous allez épouser l'un des meilleurs partis de la région. Vous avez pu faire des envieux, vous savez comment sont les gens. Je ne sais pas. J'ai eu un différend récemment avec un membre d'équipage, mais je ne vois pas de quoi il pourrait m'accuser. Je ne sais pas. D'être un agent napoléonien, par exemple. Pardon ? Ça n'a aucun sens. Le procureur de Villefort se dirige vers son bureau. J'avoue trouver cette Bible dans votre cabine. Il s'assoit contre le rebord de la table. C'est bien votre Bible, n'est-ce pas ? Il y a votre nom inscrit dessus. Oui, enfin, ce n'est pas encore un crime. C'est vrai. Mais nous avons également trouvé à l'intérieur un ordre de mission. Il déplie la missive. Signé de la main même de Napoléon. Et ça, voyez-vous, c'est un crime. Attendez, attendez. Non, non, non. Je vous jure, c'est la première fois que je vois cette lettre. Si vous n'avez pas d'ennemi, qui a pu la glisser là ? Au large du Cap Corse, j'ai sauvé une jeune femme de la noyade. Elle est venue vous remercier dans votre cabine ? Non. Mais le capitaine Danglars l'y a enfermée. Et elle n'en est sortie qu'à Marseille. Mais vous pouvez vérifier. Vous pouvez demander à Cadrousse, le quartier maître Gaspard Cadrousse. Il pourra vous le confirmer. Cadrousse ? Oui. Que savez-vous de cette jeune femme ? Rien. Monsieur Dantès, j'ai interrogé des dizaines de conspirateurs durant ma vie et tout me porte à croire que vous n'en êtes pas un. Je veux bien aider un ami des Morcerf. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez également. Je vous jure que je ne sais rien d'elle. Villefort le fixe. Elle m'a seulement dit s'appeler Angèle. C'est tout. Il dévisage Edmond, retourne à son bureau et remet la lettre dans la Bible. Vous avez révélé le nom de cette jeune femme à quelqu'un ? Non. Il demeure, le dos tourné. Pas même à ce Cadrousse ? Non. À personne, sur l'honneur. Bien, voyez-vous, monsieur Dantès, je vous crois. Il se retourne. Je vous demande pardon, je vais être néanmoins obligé de vous garder encore un petit peu. Le temps d'interroger le reste de l'équipage. S'il me confirme votre témoignage, ce dont je ne doute pas, je pourrai vous rendre à votre fiancée qui aura tout le loisir de me détester pour ce fâcheux contretemps. Comptez sur elle. Chez les Morcerf, Mercedes fait les 100 pas dans le salon. Fernand va te le ramener. Sa mère est à ses côtés. J'en peux plus, j'y vais. Elle la retient. Tu pourras rien faire de plus que lui. Ça t'arrangerait, hein, qu'il le libère pas. Mercedes lui tourne le dos et s'éloigne. Comment peux-tu dire de telles horreurs, Mercedes ? Chevauchant un cheval noir, Fernand entre fièrement dans la cour du palais de justice. Il met pied à terre et confie sa monture à un soldat. Il grimpe 4 à 4 un grand escalier et pénètre dans le bureau du procureur de Villefort. Danglars et Cadrousse sont là. Gérard, quoi qu'on t'ait dit sur Dantès, mon porte-garant. Danglars baisse les yeux. Laissez-nous un instant, messieurs, je vous prie. Villefort s'avance vers Fernand. Danglars et Cadrousse quittent la pièce. Fernand, je suis absolument navré pour ton ami. Je connais vos liens. Je crains que tu ne saches pas tout. Villefort emmène Fernand jusqu'à son bureau. Nous avons retrouvé sur lui un ordre de mission de l'empereur. Il lui tend la missive. Et ses deux équipiers affirment qu'il est l'un de ses partisans. Fernand prend connaissance. Je pense que tu mesures la gravité de ces accusations. Cadrousse les épie derrière la porte entrebâillée. La Providence a voulu que nous l'arrêtions avant qu'il n'épouse Mercedes et que l'irréparable ne soit commis. Fernand s'éloigne. Mais si tu es prêt à te porter garant, si tu penses que ces deux hommes mentent, si tu es prêt à prendre ce risque, alors je le libérerai. Le dos tourné, Fernand déglutit. Tu n'as qu'un mot à dire. Il réfléchit, le visage fermé. Non. Il se détourne lentement vers Villefort. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas quoi ? Fernand le fixe. Que le nom de notre famille soit souillé. Villefort s'approche de lui. Fernand regarde la lettre. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je peux faire en sorte qu'aucun procès ne vienne entacher la réputation des Morcerf. Fernand détourne le regard. Je vais avoir besoin de ton témoignage. Villefort soupire, l'air contrit. Il prend Fernand par le bras. Le jeune lieutenant hésite et le suit vers le bureau. Derrière la porte, Danglars chuchote à l'oreille de Caderousse. Tu comprends ce qui se passe ? Le quartier maître fait oui. Alors tu fermes ta gueule. Désemparé, il acquiesce et soupire. Edmond patiente dans un couloir. Un homme corpulent entre, escorté par deux gardes. Monsieur Dantès. Vous avez pu parler avec monsieur le procureur ? Oui, monsieur. Soulagé, Edmond se lève et se passe les mains sur le visage. Voilà une journée, je suis pas prêt d'oublier. Il enfile son frac de mariée sur son gilet blanc brodé. J'imagine qu'il n'est pas prévu que vous me rameniez chez moi ? Non, en effet. L'homme fait signe aux gardes. Allez. Ils empoignent Edmond. Putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Il se débat. Qu'est-ce qui se passe ? Lâchez-moi. Appelez le procureur. J'ai parlé avec le procureur, appelez-le ! Appelez-le ! Je suis innocent ! J'ai rien fait, je suis innocent ! Lâchez-moi. Il repousse les gardes. L'homme lui assène un violent coup de matraque dans les jambes. Edmond s'écroule. L'homme lui appuie la matraque sur la joue. Tu serais coupable, on t'aurait pendu. Si on m'a demandé de t'emmener, c'est parce que tu sais des choses qu'on veut pas entendre, alors ferme ta gueule, d'accord? Allez. Les gardes relèvent Edmond. Il le traîne dans un long couloir. Fernand pénètre au galop dans la cour des Morcerf. Mercedes l'entend depuis la terrasse côté jardin. Elle traverse en courant le rez-de-chaussée et le rejoint en bas des marches du perron. Où est-il ? Je n'ai rien pu faire. Elle s'élance vers la grille, Fernand la retient. Mercedes. Laisse-moi. Ça ne servira à rien. Elle se débat. Mercedes. Arrête. S'il te plaît. Elle se laisse tomber sur le sol. Fernand s'accroupit. Il lui pose la main sur la tête et la serre contre lui. Dans l'obscurité d'une calèche, Villefort regarde droit devant lui. Il descend de la cabine, un bouquet de roses rouges à la main. Il entre dans un appartement cossu éclairé par des chandelles. Une femme enceinte s'avance. Que se passe-t-il, Victoria ? Il lui caresse la joue. Tu n'es pas contente de me voir ? Ta sœur est là. Il regarde vers une porte, l'air agacé. Et pose les fleurs sur une commode. Dans un salon, Angèle attend dans une tenue d'homme, les poings sur les hanches, un pistolet à la ceinture. Mademoiselle de Villefort, la clandestinité te va à merveille. Je suis désolée de ne pas pouvoir te retourner le compliment. Cognac, je suis désolée, je n'ai plus d'eau de mer. Eh oui, c'est mon métier de tout savoir. Si tu sais tout, tu sais donc que Dantès est innocent. Innocent. Il boit une gorgée de cognac. Qui est vraiment innocent de nos jours? Il n'a rien fait. Pourquoi l'as-tu arrêté? Et pour te sauver la vie, quelle question. Ma vie ou ta réputation? Nous faisons tous les deux de la politique. En politique, on ne supprime pas un homme. On supprime un obstacle. Je savais que tu exerçais ton métier de royaliste avec cruauté. Mais j'espérais que tu le faisais avec honnêteté. Puisque tu es si honnête, pourquoi ne te dénonces-tu pas à sa place? Mais je le ferai, Gérard. Si tu refuses de le sauver, je le ferai. Mais je pense que tu préféreras qu'on ignore mon existence. Celle de Victoria, ta maîtresse, et de votre futur enfant. Villefort pose son verre. Il réfléchit et dévisage sa sœur. C'est bien ce que je pensais. Elle le toise et s'en va. Villefort se jette sur elle. Il l'étrangle. Noir. Prison du château d'If, 4 ans plus tard. Un geôlier déambule dans une coursive, une torche à la main. Il tape par terre sur la grille d'une oubliette. Vivant ! Vivant ! C'est Antoine, l'homme à la matraque. Il avance vers la grille suivante. Dans une oubliette lugubre. Un prisonnier maigre et sale se lève péniblement. Le torse nu est tatoué, il lève un bras décharné vers la grille. Vivant ! Vivant ! C'est Edmond. Il a une barbe hirsute, les cheveux longs et l'air hagard. Au large de Marseille, la forteresse flanquée de trois tours se dresse sur un îlot rocheux cerné de hauts remparts. Un seau attaché à une corde est descendu dans l'oubliette d'Edmond. Il y récupère deux écuelles et avale sa bouillie à l'aide d'une épaisse cuillère en bois. Vu d'en haut, Edmond est allongé sur le flanc, dans un rond de lumière. Il est assis au pied d'une saillie rocheuse, les yeux fermés, le coude posé sur son genou plié. Il lève une main et regarde la lumière qui filtre de la grille. Les souvenirs reviennent. Le soleil dans la crique, la main de Mercedes caressant la sienne, leurs doigts enlacés. Edmond fait doucement tourner sa main en souriant. La silhouette floue de Mercedes se découpe sur le ciel d'azur. Dans sa cellule, Edmond se tape le front. Il revoit le sourire de sa bien-aimée, la mère scintillante derrière elle. Il sourit et se porte un coup sur le front. Il fait les 100 pas dans sa cellule. Prends large à côté. Elle qui connaît le chemin. Qui connaît exactement. Il se tape la tête contre le mur. Il s'accroupit, la tête entre les mains. Il est étendu sur le flanc, dans un coin sombre de l'oubliette. Il se redresse et tend l'oreille. Il se lève. Il regarde autour de lui. Il s'approche du mur. Le scellement d'un moellon s'effrite. Un morceau tombe par terre. Edmond s'accroupit. Il y a quelqu'un ! Il y a quelqu'un ! Il gratte à main nue entre les pierres. Il saisit sa cuillère et racle frénétiquement le mortier. Il y a quelqu'un. Un morceau de pierre se décroche. Edmond regarde par le trou. Il y a quelqu'un. Et recule aussitôt. Il hésite et s'approche à nouveau. Un homme barbu le regarde. Qui es-tu ? Dantès. Edmond Dantès. Quel âge as-tu ? Ta voix semble celle d'un jeune homme. Je ne sais plus. J'avais 22 ans quand ils m'ont enfermé. Le 16 mai 1815. C'était il y a 4 ans. Tu as 26 ans. Edmond se frotte l'œil. 4 ans. Un prisonnier. Comme toi. Depuis combien de temps ? Chut. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils arrivent. Attendez, ne me laissez pas. Qui êtes-vous ? Dites-moi au moins votre nom. Le prisonnier disparaît. Votre nom ? Edmond se relève. 34 ! Vivant ! Il lève la tête vers la grille. Vivant ! Antoine s'éloigne dans la coursive, sa torche à la main. Edmond recule dans l'ombre et s'assoit contre le mur. Il gratte vigoureusement entre les pierres. Il décèle un moellon. Il le pose sur le sol. Un trou carré de la taille d'un visage perce le mur. Edmond se remet à gratter. La cuillère se casse. Il décèle un deuxième moellon. Puis un troisième. Il considère le trou, jette un coup d'œil vers la grille au-dessus de sa tête et se glisse dans le boyau de pierre. Il rampe dans l'obscurité. Il atteint une minuscule cavité éclairée par deux bougies. Il aperçoit au loin la cellule du prisonnier et se remet à ramper. Il atteint la geôle. Le prisonnier lui tend la main et l'aide à sortir. Les deux hommes se regardent. Edmond fond en larmes et se jette dans ses bras. Le prisonnier le serre contre lui. Je t'attendais. Au fond de l'oubliette éclairée par des bougies, les prisonniers sont assis face à face. Vous pensez vraiment pouvoir sortir d'ici? J'ai creusé 30 mètres en 6 ans pour contourner ta cellule et atteindre l'extérieur. Il faudra creuser deux fois plus longtemps. 12 ans? Peut-être un peu moins, maintenant que nous sommes deux. Edmond baisse la tête. Pourquoi? Tu as d'autres projets? Il pose un regard vague sur le prisonnier. Non. L'homme lui tend la main. Je suis l'abbé Faria. Il a la cinquantaine, une barbe et des cheveux bruns à peine grisonnants. Edmond Dantès. Il fait un petit footing pieds nus dans sa cellule. Il avale sa ration avec appétit. Il fait des pompes. Il fait des mouvements et s'étire les bras en regardant vers la lumière. Il rampe dans le souterrain. Dans la geôle de Faria, les deux amis aiguisent des pointes. Tu n'avais jamais vu cette lettre? Non, jamais. L'abbé considère Edmond et souffle sur son outil. Et vous? Vous savez pourquoi vous êtes ici? Oui. Tant on voulait te faire taire, moi on voulait me faire parler. Mais il est chill pour les personnes qui sont fidèles. Edmond se tourne vers lui, dubitatif. J'ai choisi les gens auxquels je me confie. Tu ne connais pas l'italien? Edmond secoue la tête. Non. L'anglais, l'arabe, le latin, le grec, non? Non, je ne connais que la mer. Si tu veux, je t'apprendrai. Avec de la patience et de la volonté, en 6 ou 7 ans, tu sauras tout ce que je sais. L'histoire, la philosophie, les mathématiques, ce sont des armes qui libèrent autant que celle-là. Il brandit sa pointe. Edmond acquiesce et sourit. Dans le tunnel, Edmond creuse la terre à la lueur d'une bougie. Il remplit un sac en toile de jute et la porte à Faria. À genoux dans sa cellule, l'abbé pousse la terre dans un trou aménagé au pied du mur. Il a les cheveux gris. Edmond sort du souterrain et vide un sac près de lui. La neige tombe à travers la grille de l'oubliette. La tête couverte d'un tissu élimé, Edmond recueille les flocons dans sa main. Il mange avec Faria. Il creuse dans le tunnel. Il recule, évitant un petit éboulis. Il souffle une bougie, rampe à reculons et en éteint une autre. Dans la geôle de Faria. Quelle est la première chose que tu feras si on arrive à sortir d'ici? Je retrouverai Mercedes. Que feras-tu si elle ne t'a pas attendu? Alors il ne me restera plus rien. Je vais te raconter une histoire, Edmond. Il y a 711 ans, à Jérusalem, lors de la première croisade, les chevaliers chargés de protéger le tombeau du Christ créent l'ordre des Templiers. Au premier jour, ils ne sont que quelques-uns, mais ils ont une foi immense. Edmond écoute attentivement. Grâce à leur victoire, l'ordre amasse une fortune considérable. Considérable. Edmond, je te porte le plus grand trésor que la Terre ait jamais porté. Au fil du temps, leur pouvoir, leur richesse font des envieux. Et le vendredi 13 octobre 1307, le roi de France, Philippe le Bel, ordonne leur arrestation et la saisie de leurs biens. Mais personne n'a jamais trouvé le trésor. Faria se lève. Sais-tu? Il s'assoit à côté d'Edmond. Ce que ces chevaliers ont fait de cette immense fortune? Non. Rien. Edmond, rien. Trop occupé à se ranger, à punir ceux qui les avaient trahis. Ils sont morts les uns après les autres. Enfin, presque tous. Le dernier d'entre eux était le cardinal Spade. À la fin de sa vie, réfugié sur l'île de Monte Cristo, il a eu le temps de former un dernier chevalier. Ce jeune homme s'appelait Giuseppe Faria. Il se penche vers Edmond. Je suis le dernier survivant, Edmond. Et je sais où se trouve le trésor. Il lui pose une main sur le torse. Dont la moitié te revient aujourd'hui. Mais que feras-tu de cette fortune? Il pointe son index sur lui. Feras-tu le bien? Ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine? Les deux hommes se fixent. Noir. Prison du château d'If, 10 ans plus tard. Le tunnel, long de plusieurs dizaines de mètres, serpente sous les fondations de la forteresse. Disséminées dans de petites cavités, des bougies brillent dans l'obscurité. Au bout du souterrain, Edmond, à plat ventre, remplit un sac de terre. Étendu sur le dos, Faria creuse juste devant lui. Je vais vider le sac. Une goutte d'eau tombe sur la joue de l'abbé. Edmond. Il la goûte. Elle est salée. L'eau. Elle est salée. Edmond touche la paroi suintante. On y est presque. C'est une question de jour. Il porte ses doigts à sa bouche. Les deux amis se prennent les mains. On y est. On y est. Je reviens. Edmond rampe en arrière. Il redresse la tête. Reculez, l'abbé. Reculez. Un éboulement envahit le tunnel. Un aérosol de poussière s'échappe du trou. La mer. Edmond rentre vers Faria. Il écarte les gravats. La mer. Il dégage les pieds de son ami et le tire par les chevilles jusqu'à la geôle. Il l'allonge sur la paillasse. Non, non, ne parlez pas. Je vais appeler à l'aide. Je vais appeler. Non. C'est trop tard. Ne sois pas triste. Tu as été la seule consolation de ma vie. Le Seigneur me l'a donné. Un peu tard, mais il me l'a donné. Faria sanglote. Je suis pas fou. Je sais. Le trésor existe. Tu sais où le trouver. Poussière, nous irons le chercher ensemble. N'oubliez pas. Monte Cristo. Faria suffoque. Monte Cristo. L'abbé. Ses yeux se ferment. L'abbé. Sa tête tombe lentement sur le côté. Ne me laisse pas. Edmond lui caresse les cheveux. Il fond en larmes. Et pose le front sur la poitrine de l'abbé. Un geôlier arpente les coursives sombres, une torche à la main. Vivant ! Vivant ! Il s'approche de la grille de Faria. Vivant ! Il s'arrête. Numéro 17 ! Et il revient sur ses pas. Oh, 17 ! Il se penche au-dessus de la grille. Il pose sa matraque. Et sa torche. Il s'agenouille, sort un trousseau de clés, ouvre le cadenas et soulève la grille. Il glisse la torche et regarde en bas. L'abbé ? Faria gît sur sa paillasse. Le geôlier repart. Le geôlier jette une corde à nœud dans la cellule de l'abbé. Il descend. Edmond l'épie depuis sa cellule par un interstice entre deux pierres. Le geôlier secoue l'épaule de Faria. Oh, l'abbé ! Il déplie la lame de son couteau de poche et l'enfonce dans le bras de l'abbé. Il est mort, lance le sac! Un sac en toile atterrit dans l'oubliette. Le geôlier s'en empare. Caché derrière le mur, Edmond observe. Le geôlier remonte. Edmond s'approche prudemment du linceul de l'abbé et défait la couture de corde. Dans la coursive, les geôliers remontent le sac mortuaire de l'oubliette. Et le posent sur le sol. Ils se placent chacun à un bout, le soulèvent et l'emportent. Caché dans le sac, Edmond voit le visage barbu de l'un des hommes entre deux pans de tissu. Antoine s'avance vers eux, torche à la main. C'est lequel ? C'est l'abbé. Edmond aperçoit son visage menaçant. Les geôliers repartent. Antoine les suit des yeux. Il tape sur une grille. Vivant ! Vivant ! Les geôliers remontent des profondeurs de la forteresse. Antoine referme du pied la grille de l'abbé. Les geôliers se dirigent vers le chemin de ronde. Antoine Antoine s'approche de l'oubliette d'Edmond. Vivant ! Les geôliers atteignent le chemin de ronde. Dans le sac, Edmond, ébloui par le soleil, aperçoit le ciel bleu. Vivant ! Antoine se penche au-dessus de la grille de l'oubliette plongée dans l'obscurité. Les geôliers progressent. Antoine ouvre la grille. Les geôliers longent le chemin de garde, le sac à bout de bras. Ils grimpent quelques marches en bois et montent sur le parapet. Agrippé à une corde à nœuds, Antoine descend dans l'oubliette. Les geôliers déposent le sac sur le parapet. Antoine s'approche du prisonnier. Allez, debout. Il lui donne un coup de pied. Debout. Les geôliers lestent le sac. J'ai dit debout. Antoine découvre le cadavre de l'abbé. Les geôliers saisissent le sac. Antoine s'égosille au fond de l'oubliette. Les geôliers font balancer le sac au-dessus de la muraille. Ils le jettent à la mer. Ils s'enfoncent rapidement vers le fond. Edmond glisse ses mains hors du sac et s'emploie à délacer le cordage. Il parvient à sortir les bras, puis la tête. Pris autour de ses jambes, le linceul l'emporte vers les abîmes. L'eau est de plus en plus sombre. Il s'en libère in extremis. Il remonte à toute vitesse vers la surface. De grosses bulles d'air s'échappent de son nez et de sa bouche. Vu d'en haut, le soleil fait scintiller les vaguelettes à la surface de l'eau. Au loin, le château d'If dressé sur son rocher se découpe sur l'horizon. Edmond nage torse nu dans la mer d'encre. Vu de plus en plus haut, sa silhouette blanche devient minuscule dans l'immensité sombre. Sauvage à bout de force. Il reprend son souffle. Il grimpe sur les rochers baignés de soleil, se redresse et regarde l'horizon. Edmond avance sur un petit chemin ombragé et la démarche saccadée. Plusieurs tatouages ancrent sa peau. Deux hirondelles en dessous des clavicules, un autre dans le dos entre les omoplates. Il escalade le mur en pierre du domaine des Morcerfs, se pend à une branche et se laisse tomber sur le sol couvert de feuilles. D'un pas douloureux, il rejoint le chemin du lavoir bordé d'arbres et de buissons. Du linge sèche au soleil. Il s'approche et effleure du bout des doigts un morceau d'étoffe d'un blanc éclatant. Il le renifle et ferme les yeux. Il décroche une chemise écrue à fines rayures. Vêtu de la chemise, Edmond remonte le jardin en direction de la maison. Il gravit un escalier en pierre, contourne un bassin circulaire et se dirige vers l'escalier suivant menant à la terrasse. La table est dressée sous la treillis de roses blanches. Il esquisse un sourire et pose le pied sur la première marche. Une vieille femme le braque. Tu n'as rien à faire ici, va-t'en. Il lève les bras. Je suis venu voir Louis. Louis Dantès. T'as connu Louis, toi? Oui. Elle baisse son fusil. On l'a enterré, ce pauvre Louis. Il y a bien longtemps, mon garçon. Edmond secoue la tête, incrédule. Non, c'est pas possible. Il s'est laissé mourir de faim à la mort de son fils. Il voulait le rejoindre. Ses yeux se remplissent de larmes. Et son fils n'est pas mort. Je suis désolée. Il baisse la tête. Tu étais marin, toi aussi. Oui. Je vais te donner à manger. Mais après, tu disparais, hein. Il se détourne, bouleversé. Et Mercedes. Mercedes. Et Fernand de Morcerf. Cela doit faire 7 ou 8 ans qu'ils ne sont pas venus. Ils habitent à Paris depuis la naissance de leur fils. Il se fige. Tu arrives trop tard. Son regard se perd. Il titube. Il essuie ses larmes à sa manche de chemise. Son regard devient dur. Vu du ciel, Edmond descend le parterre de pelouse. Il rejoint les calanques par le petit chemin de la Pinède et s'arrête sur la berge. Devant lui, le voilier de sa jeunesse mouille dans la crique déserte. Il entre dans l'eau d'un pas déterminé et nage vers l'embarcation. Le bateau vogue en pleine mer, les voiles gonflées par le vent. Et vite, la mer de Ligure et ses patrouilles incessantes. Mets le cap sur la Sardaigne. Edmond tient la barre. Tu pourras faire escale à Santa Teresa di Gallura. L'île de Monte Cristo se trouve à l'ouest de l'archipelago toscano. Le soleil couchant caresse ses cheveux. Le voilier glisse sur la mer d'encre. Au matin, une île boisée, imposante et massive barre l'horizon. Tu accosteras par la pointe sud. Je sais que tu seras bouleversé par son austère beauté. Edmond gravit un sentier escarpé. J'ai envie de la découvrir pour la première fois. Voilà. C'est là. Le caveau de l'illustre famille Spahn. Le reste, Edmond. Il débouche en haut d'une falaise. C'est ton histoire. Et s'approche du bord. Celle d'un homme qui a le monde dans le creux de sa main. Devant lui, la mer s'étend à l'infini. Le vent du large fait frissonner sa chemise. Edmond redescend vers la côte par un interminable escalier en pierre aménagé à flanc de parois. Tout en bas, dans un caveau en pierre niché dans la roche, la gigantesque statue d'un templier fait face à l'horizon. La tête baissée, cachée sous une capuche, le chevalier est appuyé sur son épée, un genou à terre. Edmond s'approche, il tâtonne sous la capuche et déclenche un mécanisme caché. Le mur s'ouvre derrière la statue. Edmond jette un coup d'œil par-dessus son épaule et se glisse à l'intérieur. Il allume une torche et s'enfonce dans un souterrain creusé dans la roche. Il progresse dans les entrailles de l'île. Il se courbe légèrement et passe sous une arche en pierre de taille. Il avance lentement. Des cailloux tombent dans un gouffre à ses pieds. Il se penche prudemment au-dessus du trou et tente de voir le fond avec sa torche. En vain, il la lève au-dessus de sa tête et découvre une croix templière dessinée en rouge sur le plafond, haut de plusieurs dizaines de mètres. Il regarde autour de lui et lance sa torche dans l'obscurité devant lui. Elle tombe dans le vide, dévoilant les parois d'un gouffre interminable. Elle atterrit dans une salle remplie d'or. les yeux rivés sur le trésor, Edmond esquisse un sourire ébahi. Vu du ciel, devant le petit caveau en pierre grise, la statue du Templier agenouillé contemple la mer turquoise. Noir. Marseille, un an plus tard. L'écran noir se confond avec la cape d'un homme. Capuche sur la tête, il marche sur le port de Marseille. Des mâles et des tonneaux encombrent le quai. L'homme en noir s'approche de l'entrée d'une taverne. Cadrousse quémande auprès du patron. Arrête, je te paye demain. Non, allez. Non, mais... Gaspard, monsieur Cadrousse, c'est de mes amis. Cadrousse se retourne et le dévisage. Dans la taverne, un vieux prêtre au regard d'ébène montre une pierre précieuse à Cadrousse assis en face de lui. Sur son lit de mort, Edmond Dantès m'a demandé de le partager entre ceux qui comptaient pour lui. Il pensait qu'il avait été dénoncé par un certain Danglars, mais il était convaincu que deux hommes lui étaient restés fidèles. Il m'a dit, l'un se nomme Gaspard Cadrousse, et le second, Fernand de Morcerf. Gardez votre diamant. Aucun de nous ne mérite quoi que ce soit. Cadrousse se lève. Attendez, mon fils. Si je vous révèle ce que je sais, on saura que ça vient de moi. Et ces personnes sont riches et puissantes. Il n'y a rien à craindre. Je suis tenu par le secret de la confession. Asseyez-vous. Cadrousse obéit. Il jette un œil autour de lui et se penche vers le prêtre. Dantès avait raison pour Danglars. C'est lui qui l'a dénoncé. Mais Fernand de Morcerf, il était son ami. Cadrousse se gausse. Peut-on être l'ami de celui dont on convoite la femme ? Dans le passé. Par amour pour Mercedes, il a sacrifié Edmond. Dans le bureau du procureur, Fernand signe une lettre devant Danglars et Cadrousse et la donne à Villefort. Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Le prêtre baisse les yeux. Le seul qui aurait mérité l'affection de Dantès, c'est Morel. L'armateur. Il est le seul à s'être battu pour le faire libérer. Mais lui aussi, la Providence l'a bien peu remercié. Après l'arrestation de Dantès, il a été obligé de reprendre Danglars comme capitaine. Mais Danglars l'a trahi lui aussi. Il a fait disparaître la moitié de sa flotte, soi-disant volée par des pirates. Ruiné, Morel a dû vendre la compagnie. Et devinez qui l'a racheté pour une bouchée de pain. Danglars. Deux mois après, comme par miracle, les bateaux sont réapparus. Mais le procureur de Villefort n'a pas bougé une oreille. Faut dire qu'ils partageaient un secret tous les deux. La petite Victoria, la maîtresse de Villefort, elle est devenue Madame Danglars. Elle est baronne aujourd'hui. Morel est mort dans la misère. Cadrousse porte sa timbale à ses lèvres. Et vous, dans tout ça, Monsieur Cadrousse ? Et qu'est-ce que je pouvais faire face à un capitaine, à un comte et un procureur ? Si j'avais été plus courageux, j'aurais sûrement fini comme elle. Elle ? Angèle ? Villefort étrangle Angèle. Elle était allée voir son frère dans l'espoir de sauver Dantès. Je vous ai débarrassé de Dantès. À vous de me débarrasser d'elle. Elle est ligotée sur le sol. Tu vois ? Danglars la toise. Moi aussi, j'ai des amis. Un bâillon dans la bouche, elle le fusille du regard. Et que s'est-il passé ? Elle a été tuée ? Elle aurait moins souffert. Mais Danglars avait d'autres projets pour elle. Il l'a vendue au frère Maillard, les maîtres du panier de Toulon. La petite était jolie. Il en a obtenu un bon prix. Tu savais tout et tu n'as rien fait. J'ai honte, mon père. Le prêtre le fixe. Un jour, je reviendrai. Et je t'offrirai la chance de te racheter. Cadrousse baisse la tête. L'homme en noir de dos traverse d'un pas vif la petite place ombragée de platane. Sa longue cape se balance derrière lui. Il entre dans l'église, le masque du vieux prêtre à la main, et s'arrête devant l'autel. C'est Edmond. Je ne viens plus pour te prier ou te chercher, mais seulement pour t'avertir. Il lève les yeux vers la croix. Je vais faire ce que tu n'as pas su faire. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense, et c'est moi qui punis. Il repart, drapé dans sa longue cape. Edmond, élégamment vêtu, marche dans une rue d'un quartier populaire. Un gamin le bouscule. Edmond lui saisit le bras, récupère sa montre à gousset dans la paume du petit et se penche à son oreille. L'enfant acquiesce. Edmond lui rend la montre et le suit. Une prostituée la guiche. Le gamin s'arrête dans une cage d'escalier lugubre, indique une porte et s'en va. Edmond monte à l'étage. Il pousse la porte d'une mansarde délabrée plongée dans la pénombre. La lumière du jour blafarde filtre à travers les carreaux d'un œil de bœuf et éclaire faiblement le lit dans lequel est étendue Angèle, le visage cireux. Une petite chandelle brille sur la table de nuit. Edmond pose sa canne contre le mur, approche une chaise et s'assoit à son chevet. Il y a des années, vous m'avez dit « Je n'oublierai pas votre courage, mais oubliez mon nom. » Eh bien, je n'ai oublié ni votre nom, ni votre courage. Angèle sourit, dévoilant ses dents jaunies. Dantès. Elle lui prend la main. Je suis venu vous chercher, Angèle. Pour moi, il est trop tard. Mais vous pouvez sauver l'enfant. L'enfant. Elle se redresse péniblement. Le visage luisant de fièvre. Quand je suis arrivée ici, je n'avais qu'une idée en tête. Me venger de mon frère. Pendant des semaines, j'ai cherché un moyen de fuir. Un jour, l'occasion s'est présentée, je me suis enfuie. Avec un client. Un drapier de Paris. Paris, en hiver. Je savais que Gérard y avait été nommé. Victoria pousse la grille de sa maison d'Auteuil. J'ai retrouvé la trace de Victoria. Sa maîtresse. Elle est enceinte. Je voulais reprendre l'histoire là où elle s'était arrêtée. Depuis la rue, Angèle la regarde traverser le jardin. Il faisait un froid glacial. Victoria marche vers la maison. Ce soir-là, la nuit, Gérard devait mourir. Rien ne pouvait m'arrêter. Angèle traverse le jardin couvert de neige. Je sens encore le métal du couteau dans ma main. Au premier étage, deux fenêtres sont éclairées. Rien ne s'est passé comme prévu. Angèle reste immobile et observe. Quand Gérard est sorti dans le jardin, il portait un coffre. Je l'ai suivi. Villefort dépose le coffre dans un trou. Il saisit une pelle, le recouvre de terre. Je me suis approchée quand... Et s'en va. Quand j'ai entendu les cris étouffés d'un enfant. Angèle déterre le coffre. À l'intérieur, un nouveau-né gigote, emmailloté dans un linge blanc. Je ne pouvais pas le laisser. Il avait encore le sang de sa mère sur le corps. Elle le prend dans ses bras. Entre la vengeance et la vie. J'ai choisi la vie. Edmond l'écoute, le visage grave. J'ai pris la fuite avec lui. Je ne connaissais personne à Paris. cœur, je suis retournée auprès de mon drapier. Mais les frères Maillard avaient retrouvé sa trace. Et ils m'attendaient. Angèle retient ses larmes. Angèle. Edmond se penche vers elle et la fixe. Qu'est devenu l'enfant ? Derrière des grilles en fer forgé, une élégante bâtisse se dresse au bout d'une allée boisée. Dans une galerie percée de hautes fenêtres en arcade, des religieuses accompagnent un groupe d'adolescents, tous vêtus d'une blouse bleu marine. Ils croisent Edmond qui attend, les mains appuyées sur le luxueux pommeau de sa canne. À l'autre bout de la galerie, une religieuse s'entretient avec un adolescent et lui indique Edmond. Le jeune homme se dirige vers lui. Il a un visage fin, cerclé de boucles brunes, un regard bleu azur. Bonjour André. Angèle m'a demandé de venir te chercher. Pourquoi ? Elle va mourir. André accuse le coup. Je vais te conduire à elle, pour que tu puisses lui dire adieu. Et après, nous partirons. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi ? À se venger, André. Se venger des trois hommes qui ont volé sa vie, la tienne et la mienne. Je veux les tuer. Ça serait trop facile, trop doux. Non. On doit leur arracher le cœur. Qui êtes-vous ? Je suis le comte de Monte Cristo. Noir, Paris, 5 ans plus tard. Dans un salon de réception, Fernand, décoré de la Légion d'honneur, se tient devant les invités. Le général de Morcerf a décidé aujourd'hui de quitter l'armée. Villefort. Pour consacrer sa vie à la politique, à la Chambre des Pairs. L'armée française perd un grand soldat, mais la France gagne un grand homme. Fernand de Morcerf a combattu à la Moscova, à Leipzig, en Turquie. Partout, au péril de sa vie, il a défendu une certaine idée du royaume de France. Un homme au regard d'ébène se tient dans l'assistance. Fernand a payé dans sa chair le prix de son engagement et le respect de la parole donnée. Il y a 10 ans, alors que l'allié de la France, Ali Pacha de Janina, était assiégé par les troupes turques, le colonel de Morcerf a joué le tout pour le tout. À la tête d'un escadron de soldats valeureux, il a réalisé une percée dans le dos des Ottomans pour venir prêter main forte à son allié. Cet acte d'un courage insensé n'aura malheureusement pas suffi, mais tous les Français le savent, on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Villefort et Fernand se serrent la main. Danglars, élégant, les cheveux courts et grisonnants, applaudit en souriant d'un air satisfait. Fernand lui serre la main. Victoria et sa fille Eugénie se tiennent derrière eux avec Mercedes et son fils Albert. L'homme, au regard d'ébène, les observe froidement, quitte le salon et disparaît dans l'escalier. La nuit tombe sur Paris. Une calèche tirée par 2 chevaux traverse une placette pavée. Dans la cabine, Mercedes verse le contenu d'un flacon sur un mouchoir. Fernand se l'applique sur la bouche. Mercedes et Albert échangent un regard inquiet. Ça va mieux ? Fernand acquiesce. Son regard borgne est barré d'un cache-œil en cuir. J'étais pas trop et très attentionné avec la petite Eugénie d'Anglars. Père. Elle aura 2 millions de dot le jour de son mariage. Fernand. C'est donc moi, Eugénie, qui a sa fortune, que je dois faire attention. Crois-moi, aujourd'hui, mieux vaut une médaille en moins et 1 zéro de plus. La calèche s'arrête dans une rue. Votre fils est un homme de son temps. C'est un romantique qui croit en... La portière s'ouvre. Un voleur arrache la médaille de Fernand. Albert se lance à ses trousses. Les 2 hommes traversent la placette pavée dans l'autre sens. Ils dévalent un escalier. Albert court à perdre haleine. Le voleur traverse le parvis d'une immense cathédrale. Il s'arrête dans un renfoncement et fait face à Albert. Prends la médaille. Le voleur s'éclipse. Deux hommes armés de bâtons sortent de l'ombre. Albert recule. Deux autres lui barrent la route. Ils l'encerclent et le matraquent. Albert s'écroule. Ses agresseurs le rouent de coups. L'inconnu au regard d'ébène surgit et tire sur les agresseurs. L'un d'eux s'écroule. Sidéré, Albert reprend son souffle, se relève et se bat main nue avec l'un des hommes. L'inconnu assomme les deux autres. Albert plaque son adversaire contre un mur. L'homme le jette au sol. Les agresseurs reviennent à la charge. L'inconnu les frappe et lance son arme vers Albert. Le jeune homme la saisit et abat son assaillant. Il se met à quatre pattes. L'inconnu lui tend la main et l'aide à se relever. L'un des bandits arrive par derrière et assomme Albert d'un coup de bâton. C'est André. Il s'apprête à le frapper encore. L'inconnu arrête le coup. Ça suffit. Furieux, André serre les dents et obéit. Ils partent. Les quatre agresseurs se relèvent et les suivent, rejoints par le voleur. Ils traversent calmement le parvis et laissent Albert gisant sur les pavés. Près de lui, le pistolet sur la crosse duquel figurent les lettres MC entremêlées. Dans la luxueuse cave voûtée d'un château, deux loups trottinent devant l'inconnu. Dans un coin éclairé par des chandelles, des coffres sont empilés contre un mur, des vêtements pendus sur un portant. L'inconnu s'assoit devant une coiffeuse improvisée couverte de miroirs et d'accessoires. Il se débarrasse de sa perruque brune et ôte son masque pourvu d'une fine moustache. Son visage se dévoile. C'est Edmond. Il pose le masque devant lui, s'essuie le nez du dos de la main et se regarde froidement dans un miroir. Messieurs, si j'avais su l'honneur de votre visite, je m'y serais préparé. Messieurs, si j'avais su l'honneur de votre visite, je m'y serais préparé. Les armoiries de Monte Cristo, les lettres MC entremêlées surmontent une grille ouvragée. Deux cavaliers arrivent au galop. Un lac entouré d'arbres s'étire sous le ciel laiteux. Le soleil matinal perce entre les branches. Derrière la pièce d'eau, au bout d'un vaste parterre de pelouse, se dresse un gigantesque château dont le toit en coupole lui donne des allures de palais ottoman. Des colonnades habillent le centre de la façade flanquée de deux tours carrées. Fernand et Albert, les deux cavaliers, mettent pied à terre et confient leur monture à un palefrenier. Ils sont ébahis. Un majordome, chauve, la peau mate, le regard inquiétant, les conduit vers l'immense escalier extérieur à double entrée, au pied duquel se dresse la statue du Templier. Le majordome les précède dans un vaste patio d'inspiration mauresque, au sol recouvert de tapis persans. Au centre, des canapés de style oriental sont disposés autour d'un brasero. De grosses lanternes posées au sol complètent la décoration. Le majordome s'en va, les deux loups surgissent. Albert et Fernand reculent. Les loups montrent les crocs. Au prix, c'est dehors. L'inconnu fait son entrée. Messieurs, si j'avais su l'honneur de votre visite, je m'y serais préparé. Je suis désolé de vous accueillir dans une maison improvisée. Je ne suis en France que depuis quelques semaines. Comte, je suis confus de vous importuner chez vous, mais notre maison ne vous remerciera jamais assez d'avoir sauvé Albert. À voir comme il se battait, je suis certain qu'il en aurait fait autant pour moi. Comte, je vous dois la vie. Je suis heureux de vous retrouver sur vos deux pieds, jeune homme. Albert lui tend son pistolet. Je l'ai fait réparer. La crosse était fendue. Eh bien, il est à vous maintenant. Je vous remercie infiniment, comte, mais je ne peux accepter. J'ai déjà une dette envers vous dont je ne sais comment m'acquitter. Il lui rend son arme. Le comte se tourne vers Fernand. Vous aimez les armes ? S'il vous plaît. Ils suivent le comte dans l'armurerie au mur lambrissé. Le comte range l'arme dans un coffret. Fernand caresse un pistolet à crosse d'ivoire. C'est une de mes plus belles pièces. Pistolet de style ottoman. Il l'inspecte de près. Oui, mais la sous-garde en fer gravé de feuillage indique que ce canon est plutôt de fabrication européenne. De Venise, effectivement. Vous êtes un connaisseur. Mon père a combattu contre le sultan Kursite, aux côtés d'Ali Pacha. Morcerf. Vous êtes le célèbre général de Morcerf. Je suis très impressionné. Me feriez-vous l'honneur de l'essayer ? Malheureusement, je suis attendu à la chambre. Mais une prochaine fois, avec plaisir. Mais ça ne prendra qu'un instant. Le comte enclenche un mécanisme caché. Des panneaux se mettent en mouvement et disparaissent dans la cloison en bois, dégageant trois ouvertures sur une salle de tir. Impressionnés, Albert et Fernand échangent un regard discret. Fernand saisit le pistolet à crosse d'ivoire et vise une cible dans la salle de tir. Il l'atteint en plein cœur. Albert applaudit. Vous méritez votre réputation, général. Il va falloir changer la cible pour vous, Albert. Le comte tire à son tour. Il pulvérise la tâche de la cible, qui tombe au sol. Edmond baisse son arme. Faites-moi penser à ne jamais vous provoquer en duel. Le comte sourit. Je vous remercie de me laisser votre fils quelques heures. Dans le parc. J'ai hâte d'en savoir plus sur celui que la Providence a mis sur mon chemin. Je participe à la chasse du baron d'Anglard dimanche. Pourquoi ne pas vous joindre à nous ? J'aurais beaucoup aimé, mais je ne pourrais pas. Je dois accueillir le fils du prince Cavalcanti. Venez donc tous les deux. Il y aura assez de serre pour tout le monde. À bientôt. Fernand serre la main du comte. À dimanche, j'espère. Il s'approche de son cheval et vacille. Tout va bien. J'ai gardé de mon séjour ottoman un petit souvenir de métal. Le comte le toise. André les observe depuis une fenêtre du palais. Dans l'armurerie, Albert s'approche d'une armure ottomane et apprécie de la main les passementeries qui ornent le plastron. Il tend l'oreille et se dirige vers la voie. Il traverse un vestibule baroque baigné de lumière. Au centre de la pièce, habillé d'épaisses tentures, trône un candélabre supportant des dizaines de photos forts. Des plantes luxuriantes côtoient des pans empaillés. Albert lève la tête. Surmonté par une coupole en verre, cinq étages de balcon se succèdent. Caché derrière une colonne, André surveille Albert. Le jeune Morcerf gravit les marches d'un imposant escalier en pierre blanche. D'immenses toiles de femmes dénudées ornent les murs. Sur un palier, il remarque une porte entrouverte de l'autre côté de la galerie. Il entre sur un balcon faiblement éclairé par des chandeliers et s'approche de la balustrade. Derrière lui, une lumière feutrée filtre à travers des vitraux aux couleurs orangées. En contrebas, dans une pièce inondée de soleil, une jeune femme installée sur un tabouret en pierre chante en pinçant les cordes d'une guitare. Dans la pièce au sol recouvert de tapis, harpe et guimbarde côtoient des meubles orientaux. De chaque côté de la porte, de hauts vases colonnes accueillent d'énormes bouquets de fleurs blanches. Les mains dans le dos, Albert l'écoute avec ravissement. Un sourire illumine son visage. Le comte s'avance. Vous préférez le chant à la musique des armes. Surpris, Albert se tourne vers lui. Suivez-moi. Albert jette un regard vers la jeune femme et lui emboîte le pas. Je vous prie de m'excuser, comte. Je ne voulais pas manquer de respect à votre épouse. Le comte ferme la porte. Haïdée n'est pas mon épouse. C'est ma filleule. Après vous. Aïté. Quel prénom merveilleux. C'est un prénom assez commun en Grèce. On pourrait le traduire par pudeur ou innocence. André entre dans la salle de musique et échange un regard avec Aïté. Elle pose sa guitare et le suit. Puis-je vous demander de me présenter à Aïté ? Vous semblez être un jeune homme de confiance. Aussi, je vous présenterai à Aïté, mais avant cela, vous devez me faire une promesse. Je vous la fais d'avance. Je ne plaisante pas. André et le comte s'arrêtent dans l'escalier. Vous ne devrez jamais chercher à la séduire. Vous me croyez donc dangereux ? Non. Mais elle l'est. Aïté dévale les marches d'un autre escalier. Si vous ne tenez pas votre promesse, elle brisera votre cœur. Et le sien. Elle traverse l'armurerie. Mais elle n'est pas encore prête à aimer. Le secret de sa voix est à chercher du côté de son passé. Après l'assassinat de son père, elle a été vendue à une tribu valaque des Balkans. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée et recueillie. Vous savez, il y a des chagrins et des blessures qui mettent des années à cicatriser. Ils laissent comme un voile sur les âmes. Elle s'arrête, les écoute et ferme les yeux. N'essayez jamais de lever ce voile. Albert, je vous le promets. Le comte le fixe. Bien. Tu marcheras doucement, sans un regard pour nous. Tu ne te retourneras que quand je t'appelle. Aïté, Edmond et André répètent dans la salle voûtée. Aïté. Aïté passe dans le vestibule lumineux et se retourne. Albert de Morcerf, je vous présente Aïté. Elle s'entraîne avec André. Enchantée, monsieur. Enchantée, monsieur. Elle tend la main à Albert. Enchantée, mademoiselle. Et s'il ne cherche pas à me rencontrer ? Il le fera. Dans la salle voûtée, André est assis à table. Redresse-toi ! À partir de maintenant, se tenir droit, c'est survivre. Ne pas donner l'impression qu'on a grandi dans la misère, c'est survivre. Tu comprends ? Pourquoi, André ? Parce que je suis le prince Andrea Cavalcanti. Cavalcanti, ça ne veut pas dire chèvre, ça, en espagnol ? Quoi ? N'aie pas l'air surpris comme ça, quoi ? Tu m'entends dire quoi ? Reprends. Je suis le prince Andrea Cavalcanti. Mais vous n'avez pas d'accent, prince. C'est merveilleux. Comment se fait-il ? C'est que j'ai eu un professeur très sévère qui m'a fait perdre l'accent à coups de bâton. Insolence. T'écoutes. André baisse la tête et reprend. Ah, cher comte, je suis ravi de vous rencontrer. Permettez-moi une confidence. La vie française m'est encore parfaitement inconnue. Aussi, je vous prie de m'excuser par avance si mes manières vous paraissent trop slaves, napolitaines ou arabes. Edmond peaufine son masque. Il braque calmement son pistolet devant lui. Le masque est posé sur la coiffeuse, près de la médaille de Fernand. André, le comte, élégamment vêtu, chevauche dans l'allée d'un relais de chasse. Des cavaliers patientent à l'ombre des arbres, de l'autre côté d'un bassin cerclé de colonnades. Villefort, Fernand et Albert les attendent sur un promontoire à l'orée d'un bois. André et le comte mettent pied à terre et gravissent quelques marches dans leur direction. Fernand fait les présentations. Mes amis, voici le comte de Monte-Cristo et le prince Andrea Cavalcanti. Messieurs. Comte. Villefort leur serre la main. Prince. La rencontre avec ton père, aussi bouleversante soit-elle, ne doit pas te détourner de ta cible. Le baron d'Anglard. Grâce au bateau volé à Morel, il a fait fortune dans le commerce des esclaves. Votre réputation vous précède, comte. Ne te fie pas à son sourire. Il est brutal, et non seulement il le sait, mais il s'en vante. Puis-je vous faire un aveu ? La vie française m'est encore parfaitement inconnue, aussi je vous prierai de m'excuser par avance si mes manières vous paraissent trop slaves, napolitaines ou arabes. Quand on est riche, on n'est jamais trop quoi que ce soit. Son point faible, c'est sa fille. Prince. Danglars salue André. Bon, Eugénie. Le terrain de jeu n'est pas trop mal. C'est parfait. Alors allons-y. À cheval, messieurs. La chasse commence. Chiens et cavaliers s'élancent sous une arche de verdure derrière un veneur en redingote rouge et casquette. Un cerf s'enfuit dans les hautes herbes. Les chiens prennent la tête de la chasse. Le ticor continue sa course effrénée, poursuivi par la meute. L'équipage galope à ses trousses. Le cerf aux abois pénètre dans un sous-bois. Les cavaliers contournent un étang, les chiens tracent dans les buissons, des raies de lumière filtrent à travers les branches. Ah ! galope en tête. Le veneur retient la meute. Le comte, surpris, se retourne en direction du coup de feu. Les autres cavaliers font demi-tour et se dirigent au galop vers une trouée, suivis par les chiens. Le comte descend de cheval, un équipier saisit sa monture. Danglars, fusil en main, les accueille, posté fièrement devant la bête gisant au sol. Le veneur éloigne les chiens. Villefort et Fernand s'approchent. L'animal les fixe d'un regard plein d'innocence. À chaque respiration, du sang coule de son dos, sur son pelage fauve. Danglars retire son gant. Il saisit une dague et l'attend au comte. À vous l'honneur, comte. Je vous remercie, baron. Mais j'ai fait il y a longtemps le serment de ne tuer que pour me défendre. Laissez-moi donc prendre votre défense, comte. Parfait. Prince ? André s'avance. Je vous en prie. Il s'agenouille près du cerf et ôte son gant. Albert le regarde avec écœurement. André passe délicatement sa main sur le cou de l'animal dont les bois majestueux reposent sur le sol. Il jette un coup d'œil au comte qui tourne un regard noir vers Villefort. André enfonce la dague d'un coup sec dans le cou du cerf et soutient le regard grave de Villefort. Le procureur fronce les sourcils d'un air perplexe. Danglars applaudit. Les invités l'imitent. Allons déjeuner. D'un geste du bras, il les invite à le suivre. André pose un dernier regard sur l'animal, remet la dague à un équipier et rejoint les autres invités. Sur la terrasse du relais de chasse. Eugénie ? Suzanne, un petit chapeau posé sur un chignon bouclé, apporte un verre à Eugénie. Suzanne, je te présente le prince Andrea Cavalcanti, le protégé italien du comte de Monte Cristo. Il veille sur moi. Mon père a peur que les beautés de Paris me fassent faire des bêtises. Vous parlez en français parfait ? C'est parce que j'ai eu un professeur très sévère qui m'a fait perdre l'accent à coups de bâton. Mais c'est affreux. C'est faux, surtout. Ma mère est française. Quel idiot. À quelques pas. Je suis très content que vous ayez pu vous joindre à nous. La main de votre protégé n'a pas tremblé. L'animal n'a même pas souffert. Et c'est un spécialiste des exécutions qui vous parle. Vous faites souvent tomber des têtes, procureur. Beaucoup moins qu'avant, comte. La mode est à l'indulgence. Chers amis, excusez-moi de vous voler le comte, mais je tiens absolument à lui présenter quelqu'un. Le comte suit Fernand dans la maison. Comte, messieurs. André les suit des yeux. Dans le salon, Mercedes, en tenue d'Amazon, est en pleine discussion. Le comte de Monte Cristo. Elle se retourne. Son visage affable s'obscurcit. Madame de Morcerf, mes hommages. Troublée, elle détourne le regard. Tout va bien, mère? Oui, c'est l'émotion de rencontrer l'homme sans qui je serais en ce moment dans les larmes. Monsieur, je vous dois la vie de mon fils. Et pour ce bienfait, je vous bénis. Madame, vous me récompensez trop généreusement d'une action simple. Mais je suis heureux de vous avoir épargné le chagrin. J'ai proposé au comte d'être notre invité, mais il s'y est pour l'instant refusé. Peut-être auras-tu plus de chance que moi. Albert se tourne vers sa mère. Elle cherche ses mots. Me ferez-vous le plaisir et l'honneur d'être un jour notre invité ? Mais certainement, madame. Permettez-moi de me retirer, je m'en voudrais de vous accaparer plus longtemps. Elle s'éclipse. Le comte la suit du regard et baisse les yeux. Albert la rejoint dans le couloir. Mais, enfin, qu'est-ce qui se passe ? Mercedes, bouleversée, est adossée au mur. Voulez-vous que j'appelle quelqu'un ? Albert, que sais-tu de cet homme ? Je sais que vous vous méfiez toujours de mes nouvelles connaissances. Mais le coup... comte m'a sauvé la vie. Il est aussi riche qu'un roi. Que voulez-vous que je craigne de sa part ? Elle se reprend. Tu as raison. Mes terreurs sont folles. Elle caresse tendrement le visage de son fils et lui sourit. De dos, le comte observe par la fenêtre ouverte les couples en promenade dans les jardins. Des images floues lui reviennent. Dans la calanque, la mer azur miroite sous le soleil estival. Mercedes porte une robe blanche et légère. Ses cheveux longs bruns lui dégringolent dans le dos. Dans l'obscure salle voûtée, Edmond est assis face au miroir de sa coiffeuse, le regard triste et bas. Ses souvenirs remontent. Dans la crique écrasée de soleil, Mercedes l'embrasse tendrement dans le cou. Elle lui ouvre son col de chemise et y glisse délicatement les doigts. Elle lui sourit debout près du rivage. Son visage radieux se découpe sur la mer scintillante de lumière. Edmond porte une main tremblante à sa bouche et balaye la table d'un geste rageur. Un loup s'éclipse. Une jeune fille regarde à travers une porte moucharabia entrouverte. Fernand, jeune, braque son pistolet sur nous et tire. Heidi se réveille en sursaut. Le loup grimpe sur son lit et se couche à ses pieds. Elle remonte le drap de satin et fixe le plafond. Assis dans la salle voûtée, Edmond parcourt une lettre à Fernand à la lueur des bougies. Monsieur le procureur du roi, c'est sur l'honneur, en ma qualité de lieutenant des armées royales, que j'atteste ici que le nommé Edmond Dantès a témoigné en ma présence et à de nombreuses reprises d'une sympathie pour l'usurpateur et de son désir de prendre un jour les armes pour renverser la monarchie. Ces mots m'accablent car Edmond Dantès fut mon ami, mais je ne peux aujourd'hui laisser ce crime impuni. J'ai vu trop d'hommes mourir à cause de traîtres à la patrie. Heidi s'approche. Ce n'est pas ainsi que vous trouverez le sommeil. Je ne le cherchais pas. Vous craignez vos cauchemars ? Je crains de ne plus en avoir. Il m'aide à conserver mes blessures ouvertes. Heidi se tient près de lui, les bras croisés. Vous l'avez revu ? Oui. Il se lève. Elle était aussi belle que dans vos souvenirs ? Il porte une chemise noire déboutonnée. Je pensais que le chagrin l'aurait peut-être changé. Il a dû être de courte durée. Heidi s'avance vers lui. Ses yeux n'étaient pas ceux d'une femme qui a trop pleuré. Elle réfléchit. Elle retrouvera le goût des larmes quand nous lui prendrons son mari. Elle lui passe une main dans le dos et s'éloigne. Il acquiesce, les yeux dans le vague. Chez les Danglars, Heidi rejoint les femmes dans un salon. Madame de Villefort, au piano, chante avec Victoria. Je passe. Au fumoir. 200 plus 500. Villefort. J'abandonne. Danglars. T'inquiète pas, va. Je t'inviterai pas à ma table si tu savais jouer. Voilà. Nous ne sommes plus que trois, messieurs. Le comte pose ses cartes sur la table. Je vous laisse en tête à tête. André sourit et abat les siennes. Deux paires. Danglars fait une moue impressionnée. Bravo. Et dévoile son jeu, l'air satisfait. Couleur. Vous avez bien trop de cœur pour moi, baron. Je fuis avant d'avoir ruiné mon père. Allez, venez, Albert. Oui, c'est ça. Allez donc voir ces dames. Malheureux au jeu, heureux en amour. Danglars ricane et empoche sa mise sous le regard glacial du comte. J'aime beaucoup votre prince. Il est charmant. Je le connais à peine, à vrai dire. Son père est une relation d'affaires. Danglars s'allume un cigare. Une bonne famille, sans aucun doute. Si par bonne, vous entendez riche, oui, c'est la seconde fortune d'Italie. La seconde. Vous connaissez donc la première, j'imagine. Ne m'obligez pas à être immodeste. Enfin, des gens plus riches que moi. Sa famille rêve de le voir épouser une fille à Paris, mais si le fils est aussi volage que le père, méfiez-vous. Rassurez-vous, je me méfie de tout le monde en général et des étrangers en particulier. Je suis moi-même étranger. Vous, comte, ça ne compte pas. Vous êtes comte. En plus, ça rime, t'as vu? Tu es un poète. À propos d'étrangers, vous savez que le journal L'Impartial a été racheté par un Anglais? Absolument, un certain Halifax. Un lord, paraît-il. Ce lord Halifax ne rachète les journaux que pour propager de fausses nouvelles et spéculer à la bourse. C'est un brigand de la pire espèce. Vous ne semblez pas beaucoup aimer ce lord... Eh bien, disons que j'aime beaucoup de monde, mais je ne hais bien que certaines personnes. Enfin, haïr un Anglais, ce n'est pas un péché. C'est du bon sens. Ah. Eugénie interpelle André du haut de l'escalier. Vous partez déjà ? Il est avec le comte et Heidi. Il est bientôt minuit. Notre carrosse va se transformer en citrouille. André sourit et prend congé. Le trio croise Albert en bas de l'escalier. Albert ? Il s'approche d'Heidi. Mademoiselle, vous alliez oublier votre éventail. Elle plonge son regard dans le sien, lui effleure savamment la main et récupère son bien. Merci, monsieur. Elle part. Le comte pointe son chapeau haut de forme sur le torse d'Albert. Je compte sur vous. Pour vous joindre au dîner que j'organise bientôt à Paris, j'ai finalement trouvé un pied-à-terre. Albert acquiesce. Bien sûr. Bien. Le comte s'en va. À bientôt. Albert le suit des yeux. André et Heidi montent dans leur calèche. Comte ? Mercedes s'avance vers le comte. Madame de Morcerf. Vous partez quand j'arrive ? N'y voyez aucun lien. Je voulais vous demander pardon. Me demander pardon ? Pour mon vertige de l'autre jour. Vous m'avez rappelé quelqu'un que j'ai bien connu il y a très longtemps et qui a disparu dans des circonstances tragiques. Pendant un instant, j'ai... Elle le fixe. Le comte soutient son regard. Elle baisse la tête. Vous voyez, ça recommence. Je ne trouve plus mes mots. C'est moi qui suis désolée, madame, de vous avoir rappelé à ce mauvais souvenir. Rassurez-vous, il s'est dissipé. Tant mieux. Il fait un pas en arrière. Je vous souhaite une bonne soirée, madame. Comte. Elle le suit du regard. Il grimpe dans la calèche. Un valet de pied remonte les marches et ferme la portière. La calèche s'éloigne dans la nuit. Dans la cabine, Heidi découvre un billet dans son éventail et le tend au comte. Albert. Il déplie le papier et le lit. Heidi, je ne suis pas censé vous écrire. Je ne vous écris donc pas. Je ne dois pas vous rencontrer. Je ne vous propose donc pas de venir me retrouver au Jardin des Plantes, demain, à 5 heures. Ce lieu, où je ne serai pas demain, renferme les plus mystérieuses fleurs de Paris. Vous venez d'un pays qu'on surnomme... Le pays des nuages. Le pays des nuages et du jasmin. On peut faire confiance au ciel de Paris pour les nuages. J'aurai du jasmin à ma boutonnière. Je ne vous dis donc pas à demain. Et je ne vous dis pas non plus que depuis que je vous ai vu, votre voix et votre visage ne me quittent plus. Albert. Albert et Heidi se promènent dans le parc du Jardin des Plantes sous un soleil radieux. Le majordome chauve les surveille. Il ne va pas nous dénoncer. Il est très fidèle au comte. Mais je crois qu'il est un faible pour moi. Heidi tient une grande fleur orange. C'est une strelitzia. Là d'où je viens, il y en avait sur un chemin qui mène à la mer. On l'appelle aussi l'oiseau de paradis. Passera paradis sous lui. Passera paradis sous lui. Bien. Les jeunes gens se sourient. Albert prend la main d'Heidi et l'aide à traverser un petit pont de bois. Comment se fait-il que vous n'ayez pas de fiancée? Mais peut-être en avez-vous une. Mon père voudrait que j'épouse la fille d'un baron. Mais je cherche une chose que cette demoiselle n'aura jamais. Ce charme indéfini qui est à la femme ce que le parfum est à la fleur ou ce que la saveur est au fruit. J'ignore si les Parisiennes aiment être cueillies ou dégustées, mais ce n'est pas mon cas. Je suis désolée, c'est pas ce que je voulais dire. Je vous taquinais. Serez-vous au dîner que donne le comte samedi? Non, je servirai d'alibi à ma mère, qui fut les mondanités comme la peste. Et vous? Je ne connais pas votre mère. J'ignore quels sont ses goûts. Mais je partage ses dégoûts. Albert sourit. Le soir, dans le somptueux patio du palais. Ni lui ni sa mère ne viendront au dîner. Mais Fernand de Mortel sera bien présent, lui. Debout devant les flammes du brasero, Haydé joue négligemment avec un gant, assis sur un canapé et demande la scrute. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne me parles pas d'Albert ? Oui, c'est une migraine. Il n'y a rien à en dire. Edmond la rejoint près du brasero. Il est normal de douter. D'avoir peur. Je le comprends. Mais quand le moment sera venu, il faut que tu te souviennes. Je n'ai pas besoin que vous me rappeliez ce que son père a fait au mien. Elle fixe froidement Edmond et jette le gant au feu. Il n'a pu s'empêcher d'y déposer ses lèvres. Elle part. Edmond la suit des yeux. Edmond regarde le gant se consumer. La nuit. Une calèche avance dans la brume. Des invités attendent dans le jardin de la maison d'Auteuil. Merci, très chouchou. Aidée par Danglars, Victoria descend de la calèche et se fige. Chers amis. Dans le passé, enceinte, elle entre dans le jardin. Elle marche vers la maison sous les flocons de neige. Bonsoir, Victoria. Madame de Villefort la salue. Victoria échange un regard tendu avec le procureur. Eh ben, moi aussi, je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire. C'est pas la peine de faire cette tête-là. Faites confiance au comte pour nous réserver des surprises à l'intérieur. Dans le passé, Villefort creuse un trou dans le jardin. Les invités se dirigent vers l'entrée. De chaque côté de l'allée, des torches enflammées délimitent le chemin. Les convives sont attablés dans la salle à manger. Villefort s'éponge le front avec sa serviette. Le comte est assis en bout de table. Vous semblez ne pas avoir beaucoup d'appétit ce soir, monsieur de Villefort. Écoutez, j'en avais avant le cochon et la volaille. Cette maison est magnifique. Je vous sens malgré tout surpris, baron. Rien ne vous échappe, comte. Pour dire vrai, je pensais qu'un homme tel que vous choisirait un quartier plus central, comme les Champs-Élysées ou Saint-Germain. Eh bien, j'ai justement acheté cette maison car on m'a déconseillé de le faire. Pour quelle raison ? Eh bien, on l'a dit hanté. Il s'y serait déroulé un crime abominable il y a des années. Prenez garde, nous avons ici le procureur du roi. C'est vrai. Un enfant aurait été sacrifié. Victoria tressaille. Mais c'est affreux. Et vous avez acheté cette maison malgré tout. Et vous avez bien fait, comte. Ces histoires de fantômes sont des balivernes inventées par des domestiques mal intentionnés ou des voisins jaloux. Détrompez-vous, procureur. J'ai vécu en Asie et aux Indes, et il est difficile de revenir de ces voyages sans savoir qu'il existe bel et bien un monde invisible, peuplé d'esprits. Quand j'ai visité cette maison pour la première fois, j'ai tout de suite su. J'ai eu l'étrange conviction qu'un crime avait bel et bien été commis ici. Alors j'ai demandé à ce qu'on me laisse seul pour la nuit. Mais vous n'aviez pas peur ? Si votre conscience est pure, les fantômes ne vous hantent pas. Ils vous parlent. Et que vous ont-ils dit ? Mais oui, que vous ont-ils dit ? Le comte se lève. Ce soir-là, je me suis installé... ici, juste devant cette cheminée. Un miroir sans teint surplombe la cheminée. J'ai fumé un peu d'opium pour être plus réceptif. Il n'y a rien de tel pour élargir le spectre de votre conscience. De l'autre côté du miroir, Haydé observe le comte. Et dans la douceur de la fumée... Il la regarde. Je me sentais comme en suspension. Derrière lui, les invités l'écoutent attentivement. J'entends un coup dans les murs. Puis un second... Je pose ma main et j'entends maintenant des cris qui viennent de l'étage. Je monte les escaliers. Les cris deviennent des râles. Cela vient d'une pièce Au bout du couloir. Victoria suffoque. Je pousse maintenant la porte et je me retrouve dans une chambre. Au milieu, il y a un lit. J'y pose la main. Le comte ferme les yeux devant son auditoire. Et je vois une femme se tordre de douleur. Elle met au monde un enfant. Elle est seule, abandonnée. Elle crie. Le souffle court, Victoria se tord les mains. Et c'est à cet instant que je sens une présence dans mon dos. Tout à coup. Vous épouvantez ces dames, comte. Et vous nous régalez. Danglars. Continuez, comte, je vous en conjure. À Victoria. Comprenez-vous, ma chère, vous nous gâchez la fête. Je me retourne, tremblant. Et à cet instant, j'entends comme un murmure à mon oreille. C'est la voix d'un enfant. Villefort affiche une mine irritée. La voix d'un enfant qui me supplie de le libérer. Je finis par trouver une porte dérobée que je n'avais pas vue dans l'obscurité. Je la pousse. Des escaliers. Ils mènent au jardin. Et c'est à ce moment-là qu'elle est revenue. La voix de l'enfant. Il me disait qu'il était seul depuis si longtemps. Il pleurait. Il appelle sa mère. Le dos tourné, le comte ferme les yeux. Ce soir-là, j'ai cherché, mais le jardin était trop grand. Qu'avez-vous fait ? Il rouvre les yeux, se touche le front et se tourne vers ses invités. Pardon ? Le jardin était trop grand. Qu'avez-vous fait ? Danglars est pendu à ses lèvres. Oui. Le comte se rassoit. Danglars l'interroge du regard. Eh bien, le lendemain matin, nous avons creusé. Partout. Nous avons arraché les pommiers, retourné le chemin. Mais rien. Alors j'ai fait venir un cochon truffier du Périgord. Et alors ? Comme il n'a rien trouvé non plus, nous l'avons mangé ce soir. Merveilleux ! Je vous disais bien que tout cela n'était qu'une fable. Une fable, exactement. Du moins, c'est ce que j'ai cru. Jusqu'à hier. Alors que nous plantions en terre les flambeaux pour la réception de ce soir, l'un d'eux s'est brisé, net. Alors nous avons creusé à cet endroit et nous avons découvert un coffre. Et alors ? Qu'y avait-il à l'intérieur ? Villefort et Victoria se décomposent. Je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas ? Eh bien, je vous ai attendu pour l'ouvrir. Dans le jardin, deux domestiques en livrée sortent le coffre du trou. Il le pose sur une table autour de laquelle sont rassemblés les invités. Et s'il y a un corps ? Villefort se contient, le regard noir. Eh bien, nous lui offrirons une sépulture. Le comte se tourne vers lui. Procureur, peut-être désirez-vous l'ouvrir ? Villefort lui fait signe de s'en charger. Victoria est à bout. Je vous en supplie, n'ouvrez pas. Victoria, ça suffit. D'un geste, Danglars invite le comte à ouvrir le coffre. Les yeux rivés dessus, il attend impatient. Le comte ouvre le couvercle. Un linge blanc dépasse du coffre tapissé de tissu rouge. Victoria retient ses larmes, une main plaquée sur la bouche. Le comte saisit le tissu. Abracadabra ! De la poussière s'en échappe. Danglars est époustouflé. Alors, je ne sais pas ce qui est vrai dans toute cette histoire, mais vous êtes un magicien, comte. Ulcéré, Villefort lance un regard noir au comte qui esquisse un sourire narquois et referme le coffre. Comment c'est possible ? Chez Villefort. Il parlait comme s'il avait été présent. Tous ces détails, c'était... J'ai cru devenir folle. Bon, calme-toi, s'il te plaît. Où est le corps de notre enfant ? Je ne sais pas. Tu l'avais bien déposé là ? Oui. Tu m'as dit qu'il était mort. Tu m'as dit qu'il était mort. Oui, bien sûr, il était mort. Victoria s'agite. Ah, où est-il ? Comment est-ce que tu peux imaginer ? Je ne sais pas. Où est notre enfant ? Où est notre enfant ? Dis-toi, tu es hystérique ! Il lui prend le visage. Je ne sais pas. Calme-toi. chose, c'est qu'avant 8 jours, je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo, d'où il vient, où il va, et pourquoi il parle devant nous, les enfants qu'on enterre dans les jardins. Aïdé, André et Edmond sont réunis au sous-sol du château. Danglars est obsédé par l'argent. Il ne se méfiera jamais de celui qui ne lui en demande pas. Morcerf me fait aveuglément confiance depuis que j'ai sauvé la vie de son fils. Reste Villefort. Villefort est procureur. C'est un homme suspicieux. Et grâce à ce dîner, Victoria exigera des explications. Alors pour la rassurer autant que pour se rassurer lui-même, il va mener une enquête. Et comme on apprend toujours beaucoup plus de choses des bouches mal intentionnées, c'est l'ennemi juré du comte qu'il ira voir. Lord Halifax. Halifax déjeune dans sa salle à manger. Que voulez-vous savoir ? Si je peux lui faire du tort, ce sera mon plaisir. Il a les cheveux blancs, le visage empâté. Le comte est-il déjà venu à Paris ? Il prétend que non. S'il était déjà venu, je le saurais. Mais alors, vous savez où il se trouvait il y a 15 ans ? Yes. Oui, en Inde. Villefort est assis face à lui. Mais je dois dire, à l'époque, il m'amusait encore. Mais après... Après quoi ? Un soir, je corrigeais un servant qui l'avait bien cherché. Mais Monte Cristo s'était pris de passion pour ces sauvages, avec le dieu païen, le magie absurde. Des croyances ridicules, you know ? Alors il m'a provoqué en duel. Pour un indigène. But yes. Mais oui, un indigène. An indigenous person. Would you Pouvez-vous believe? Le croire? Oh, it's hot. Il fait chaud, vous ne trouvez pas? Quelle chaleur! Qu'on m'apporte mon éventail, pour l'amour du ciel. On étouffe ici. Un majordome apporte un éventail. Pas celui-là. Merci. Halifax se cure les dents avec le petit doigt. Et vous, monsieur de Villefort, qu'est-ce qu'il vous a fait ? Rien. Je ne sais pas encore si je dois le compter parmi mes amis ou mes ennemis. S'il était votre ennemi, vous le sauriez déjà. Il a des défauts, mais il n'est pas homme à cacher ses intentions. Mais... Be careful. Faites attention. Monsieur le procureur. Halifax plante son regard d'ébène sur Villefort. S'il devient votre ami, cela fera de vous mon ennemi. Villefort écarte les pouces. Of course. Bien entendu. Et affiche un sourire entendu. Halifax ricane. Il regarde l'heure sur sa montre à gousset. Yes. Merci, monsieur de Villefort. C'était très agréable de discuter avec vous, mais j'ai beaucoup à faire. Villefort se lève. Je vous remercie, Lord Halifax. Monsieur le procureur. Il quitte la pièce. Halifax pose ses couverts et perd son sourire. Victor. Le majordome s'approche. Comte, fais préparer les chevaux, nous rentrons au château. Victor s'éclipse. Le comte lève son verre de vin et le boit d'un trait. Au sous-sol du château. Maintenant que Villefort a baissé la garde, nous avons champ libre pour préparer notre attaque. Je pars dans le sud. Je serai de retour pour la fête qu'organise Danglars pour les 20 ans de sa fille. Pendant mon voyage, je compte sur toi, André, pour te rapprocher d'elle. André danse avec Eugénie. Et sur toi, Aïdé, pour ensorceler Albert. Aïdé et Albert sont étendus l'un contre l'autre sur une couverture. Albert lui apprend à tirer. Ils échangent un sourire complice dans le bureau de Danglars. Il peut contenir jusqu'à 600 nègres, 700. En poussant un peu, mais je suis un humaniste. Dans un salon. Je l'ai baptisé l'Hercule. Ma mère disait tout le temps que... André tient la main d'Eugénie. C'est la ligne des gens qui allaient faire de grandes choses. Et ça, c'est ta ligne d'amour. Et là, je lis que... André, il faut que je te dise quelque chose. André la considère. Elle garde les yeux baissés et fait une petite moue. Elle serre nerveusement le poing. Oui. Elle cherche ses mots. Je voudrais t'aimer, mais je ne peux pas. Je sais. André se tourne vers une jeune femme. Il répète avec Edmond. Je sais que tu ne pourras jamais m'offrir les sentiments que tu as pour Suzanne. Mais ce sera notre secret. Ne t'inquiète pas, ce sera notre secret. Avec moi, il sera bien gardé. Je sais ce que c'est que d'être double. Moi aussi, je sais ce que c'est qu'être double. Il tient la main d'Eugénie. De ne pas pouvoir dire qui on est. Il lui sourit. Je serai ton alibi. Elle le serre dans ses bras. André ferme les yeux et soupire. Dans le salon de musique, Haïdée, pensive, fume sur un sofa. Edmond galope dans la campagne. Dans un petit cimetière surplombant la mer, il se recueille à l'ombre des pins devant la tombe de son père. Louis Dantès, 1759-1816, est gravé sur la stèle. Sur le quai du port de Marseille, le prêtre s'approche de Cadrousse attablé devant une bouteille et pose une aumônière sur la table. L'heure est venue de te racheter. À Paris, André et Haïdée fument dans le jardin de la maison. Haïdée joue du piano avec Albert. André apprend le billard à Eugénie. Albert offre à Haïdée un coffret d'où s'échappe une nuée de papillons. André et Haïdée dansent ensemble au sous-sol. Elle valse avec Albert dans le patio. Eugénie, les yeux bandés, joue à Colin Maillard. Suzanne lui ôte le bandeau. Sur la terrasse du palais, Albert rejoint Haïdée et lui pose un châle sur les épaules. La jeune femme se love dans ses bras. Je revis en rêve chaque seconde de ces moments avec vous. Albert écrit à Haïdée. Je vais emporter dans ma nuit le souvenir de vos yeux. Et je ne veux parler à personne pour ne pas gaspiller l'écho de vos paroles qui tremblent encore dans mon cœur. Haïdée parcourt la lettre. Je garde près de moi votre partition. Elle se trouble. Je l'aime pour l'image qu'elle me donne de vous, mais aussi et surtout pour le souvenir qu'elle portera à jamais. Celui d'un moment de vie qui vaut une vie entière. Le comte arrive au palais au galop monté sur un magnifique cheval noir. Le soir, dans sa chambre, Haïdée brûle la lettre à la flamme d'une bougie. Elle la regarde se consumer, l'air sombre. De jour, une calèche s'arrête devant la demeure parisienne des Danglars. Un valet ouvre la portière. André descend, élégamment vêtu, et se dirige vers la maison, son chapeau sous le bras. À tout à l'heure. À tout à l'heure. André quitte les Danglars dans le hall. Il traverse un vestibule et pénètre dans un salon cossu occupé par de nombreux invités. Tableaux, tentures épaisses, lustres en cristal et plantes vertes luxuriantes composent un décor cossu. Wow. André salue Villefort et Fernand d'un signe de tête et rejoint Albert, Suzanne et Eugénie. Eugénie, cette fête est à ton image, vivante et joyeuse. Merci, Andrea. Compterez-vous ce soir parmi vos invités le comte de Monte Cristo ? 17. 17. Vous êtes la 17e personne à me poser la question. Et que répondez-vous à tout le monde ? Qu'il n'y aura pas de 18e. Le voilà. Le comte fait son entrée, Haïdée à son bras. Elle plonge son regard bleu vers Albert. Excusez-moi. Le jeune homme se dirige vers eux. André le suit du regard. Mademoiselle, comte, votre voyage s'est bien passé ? À merveille. Je vous remercie, Albert. Eugénie est impatient de vous revoir, mademoiselle. Comte, me permettez-vous ? Avec plaisir. Le comte fixe Albert. Décontenancé, le jeune homme emmène Haïdée. Il jette un coup d'œil par-dessus son épaule et se penche vers la jeune femme. Le comte sait-il que nous nous sommes vus ? Je ne lui ai rien dit. Le croyez-vous capable d'avoir deviné ? Dieu seul sait de quoi il est capable. Mercedes s'approche dans le dos du comte. Ils sont beaux, n'est-ce pas ? Ils ont l'air si pressés de vivre. On est toujours pressés d'être heureux. Non ? Le regard de Mercedes flotte un instant. Monsieur le comte, faites-moi l'honneur de votre bras. J'ai envie de faire quelques pas. Il lui donne le bras. Au ralenti, ils avancent ensemble entre des couples qui dansent. Des raies de lumière poudrée filtrent à travers les fenêtres. Troublée, Mercedes se tourne vers le comte. Leurs regards se frôlent pudiquement. Ils remontent un couloir. Votre main tremble. Vous semblez avoir froid. Nous avons dans ma famille les mains froides, mais le cœur chaud. Elle saisit deux coupes. Tenez, voilà qui nous réchauffera. Nos raisins n'ont pas la saveur de vos raisins de Sicile, mais vous serez indulgents avec notre soleil du Nord. Elle lui tend un verre. Je regrette. Il demeure, les mains croisées dans le dos. Je vous prie de m'excuser, madame, mais je ne bois jamais. Mercedes accuse le coup. Vous mangerez bien quelque chose, alors ? Il regarde ailleurs. Je vais à nouveau devoir décliner. Monsieur le comte, il y a une coutume arabe qui fait amis éternellement ceux qui ont partagé le pain et le sel sous le même toit. Il la fixe. Je la connais, madame. Mais nous sommes à Paris et non à Tanger. Et en France, il n'y a pas plus d'amitié éternelle que de partage du pain et du sel. Elle baisse les yeux, décontenancée. Elle s'éloigne, sonnée, et passe dans une autre pièce. Le comte lui emboîte le pas. Il la rejoint dans le jardin d'hiver, foisonnant de plantes exotiques. Mais enfin, nous sommes amis, n'est-ce pas ? Certainement. Pourquoi ne le serions-nous pas ? Il fait quelques pas. Elle le suit. Alors, à défaut de pain et de sel, peut-être accepterez-vous de partager avec moi quelques-uns de vos souvenirs ? Que désirez-vous savoir, madame ? Est-il vrai que vous ayez tant vu, tant voyagé, tant souffert ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Vos yeux. On dit qu'il y a en chaque grand voyageur l'envie de trouver ou de fuir quelque chose. Et vous l'avez trouvé ? Je n'ai pas fini mon voyage. Il s'assoit côte à côte sur un canapé capitonné en velours vert sauge. Vous vivez seul ? Je n'ai ni sœur, ni fils, ni père. Je n'ai qu'Aïdé qui... J'en suis sûr, me quittera bientôt. Comment pouvez-vous vivre ainsi, sans rien qui vous rattache à la vie ? Il la dévisage. J'ai aimé une jeune femme. Que j'allais épouser. Il y a des années. Mais quand la guerre est venue et m'a enlevé loin d'elle... J'ai cru qu'elle m'aimerait assez pour m'attendre. Mercedes déglutit. Pour me demeurer fidèle jusqu'au tombeau. Ils échangent un regard profond. Mais quand je suis revenue, elle était mariée. Mercedes baisse les yeux. J'avais peut-être le cœur plus faible que les autres. Et j'ai souffert plus qu'il ne l'aurait fait à ma place. Voilà tout. Et cet amour vous est resté au cœur. Le comte la fixe de son regard d'ébène. On n'aime vraiment qu'une fois. Non ? Mercedes est bouleversée. Avez-vous revu cette femme ? Il regarde dans le vide et fait non. Jamais. Jamais. Il la dévisage et baisse les yeux. Jamais. Elle déglutit... retenant ses larmes. Lui avez-vous pardonné ce qu'elle vous a fait souffrir ? On ne peut pardonner qu'à ceux qui nous demandent pardon. Et si elle vous demandait pardon aujourd'hui ? Il se regarde. Mercedes se lève d'un bond. Et se dirige vers le brouhaha dans le couloir. Dans une rue, un crieur brandit un journal. Achetez la partiale ! La flotte d'Anglard dérobée à Marseille ! Achetez la partiale, mesdames et messieurs ! La partiale, achetez ! Chez d'Anglard. Enfin, c'est ahurissant, comment peut-on voler des bateaux dans un port en plein jour ? J'étais assuré, au moins. Ton avis ? L'action d'Anglard est en train de s'effondrer en bourse. Dans la salle voûtée. Mais grâce au télégraphe de l'armée, Danglars va apprendre avant tout le monde qu'il ne s'est en réalité rien passé à Marseille. Je pensais que vous deviez voler ce bateau. Tout vient à point, à qui sait attendre. Tu es sauvé. Fernand entre chez Danglars. Tes bateaux n'ont rien. Quoi ? L'impartial a menti. Il lui tend une lettre. La flotte d'Anglard est toujours à flot, amarrée au port de Marseille. Merci. Merci, mes amis. Danglars se souviendra de ce que je lui ai dit. Et il pensera que c'est un coup du nouveau patron de l'impartial. Notre cher Lord Halifax. Exactement. Monte-Cristo avait raison. Ce cochon d'anglais utilise son journal pour spéculer sur mon dos. Faut publier un démenti immédiatement. Surtout pas. Je ne comprends pas. Il faut absolument... Chut. Vous entendez ? Écoutez. Le joli bruit. Ce joli petit bruit. Le bruit de l'argent qui tombe. Je ne comprends pas non plus. Réfléchis. Il sait quelque chose que personne ne sait encore. Imagine, tu joues au poker et tu connais le jeu de ton adversaire. Qu'est-ce que tu fais ? Je relance. Les actions sont au plus bas. Si je les rachète, dans 2 jours, j'aurai fait une plus-value extraordinaire. Mon plus beau coup. Racheter tes actions. Et combien faudra-t-il ? 500 millions. 500 millions ? 500 millions. Mais il faut le faire aujourd'hui, avant la clôture du marché et surtout avant que cette raclure d'Halifax ne le fasse. Comment peux-tu trouver 500 millions d'ici ce soir ? En allant voir le plus grand ennemi de ce Lord Halifax. Dans le vaste patio du palais, le comte, assis avec Fernand, Villefort et Danglars, parcourt une lettre avec le plus grand intérêt. De son doigt bagué, il tapote son accoudoir. Il pose la lettre devant lui sur une petite table orientale et se tourne vers Danglars. Je regrette, Baron, mais la mer m'a toujours porté malheur. Je ne rachèterai pas vos actions. Comte. Cependant, je ne refuse jamais d'aider un ami et de punir un ennemi, alors je vous prêterai cet argent et vous en ferez ce que bon vous semble. Je peux vous garantir... un taux d'intérêt de 20%. Non, je vous prêterai l'argent sans intérêt. En Sicile, on dit, tu ne t'enrichiras pas sur le dos d'un ami. J'insiste. Danglars sort un dossier. J'ai fait rédiger une hypothèque sur l'ensemble de mes biens. Alors, il n'y en a pas 500 millions, mais 200 millions. Ça, je peux vous le promettre. Non, Baron, votre parole me suffit. Vous savez, en France, on dit les bons comptes font les bons amis. Le comte affiche un sourire complaisant. Eh bien, soit alors, par amitié, j'accepte vos garanties personnelles. Danglars lui tend les papiers de l'hypothèque. Dans une semaine, je vous aurai remboursé. Fernand se recule sur son siège. Nous allons faire rendre gorge à cet Halifax. Une plainte est prête. Je m'occuperai moi-même de requérir contre lui au procès. Eh bien, il me tarde d'être au tribunal pour assister à cette exécution. Au tribunal... une horloge affiche 2h10. Un avocat apporte une lettre au magistrat, vêtu de simarre noir au col à rabat blanc. La lettre passe de main en main et arrive jusqu'au juge. Il en prend connaissance devant l'assistance. André et les familles d'Anglard et Morcerfs se tiennent au premier rang. Lord Halifax, propriétaire du journal L'Impartial, appelé à la barre aujourd'hui pour répondre des charges de diffamation, a dû quitter le pays précipitamment. Mais il s'engage à ce que son représentant soit devant cette cour à 2h. Le comte, accompagné d'Aïdé, vérifie l'heure sur sa montre à gousset. Il est -5. À Marseille, Cadrousse et une vingtaine d'hommes patientent cachés dans une ruelle. Ils remontent leur foulard sur leur bouche et se ruent sur le port. Ils montent sur un bateau. Au tribunal, le procureur de Villefort prend la parole. Bien, monsieur le juge, la comédie a assez duré. Nous ne sommes pas sur les boulevards. Je demande au représentant de monsieur Halifax de se faire connaître s'il est présent. Danglars se tourne vers le public derrière lui et jette un coup d'œil au comte qu'il ignore. André se lève. Danglars lui saisit le bras. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas encore fini, hein. André se dégage et s'avance à la barre. Il se tourne vers Villefort qui le dévisage d'un air suffisant. Haydé serre le poignet du comte d'un geste réconfortant. André fait face au juge. Je suis le représentant de Lord Halifax. Danglars déglutit, André s'appuie à la barre. Je suis devant vous, car le journal L'Impartial est accusé d'avoir diffusé de fausses nouvelles. Mais j'affirme ici que les bateaux de la maison Danglars ont bel et bien disparu. Mais n'importe quoi, toute ma flotte est à Marseille. Monsieur le juge, c'est une farce. Quelle preuve apportez-vous? Il vous suffira, monsieur le juge, de contacter la capitainerie de Marseille. Vous persistez donc dans vos affirmations? Je persiste et je signe, monsieur le juge. Il jette un coup d'œil à Villefort. Mais je souhaiterais le faire sous mon vrai nom. Parce que vous en avez un faux. Le procureur soutient son regard. Tout le monde me connaît sous le nom d'Andrea Cavalcanti. Après des années dans la rue, j'ai été recueilli par une grande et riche famille de l'aristocratie italienne. J'ai grandi comme voleur. Et j'ai fini prince. Je peux vous assurer que ce n'est pas un métier plus honnête, mais beaucoup plus agréable. C'est ici, à Paris, que j'ai enfin retrouvé la trace de mon vrai père. André se tourne vers l'auditoire, puis vers Villefort. Je suis né le 3 novembre 1815. Victoria se fige. À Auteuil. Villefort tressaille. Abasourdi, il se dirige vers le juge et se reprend. Monsieur le juge, est-ce que l'accusé pourrait présenter des preuves de ce qu'il avance? J'y viens, monsieur le procureur. Croyez-moi, votre patience sera récompensée. Villefort foudroie André du regard. Je suis le bâtard d'un aristocrate français de sa maîtresse! Villefort accuse le coup. Ma mère ignore que je suis vivant car mon père lui a affirmé que j'étais mort à la naissance. André le toise. Il m'a enveloppé dans un linge et m'a enterré vivant. Horrifié, Victoria retient un sanglot. Vous parlez, monsieur, d'une tentative d'infanticide. C'est ce qui aurait dû se passer? Si ma tante, alertée par mes cris, ne m'avait pas sorti de terre. Quel est l'homme que vous accusez? Un homme respectable, que vous connaissez tous. Villefort reste immobile. André sort un morceau de tissu de sa poche. Ses armes sont sur ce linge. Le juge écoute attentivement. Mon père, l'homme qui a voulu me tuer, n'est autre que l'homme que j'ai face à moi. Villefort affronte André du regard. Une larme roule sur la joue du jeune homme. Le procureur de Villefort. Villefort secoue la tête, les yeux rivés sur André. Silence! Je vais évacuer la salle. C'est une calomnie! Villefort pointe André du doigt. Je vous poursuivrai! Monsieur Cavalcanti, mesurez-vous la gravité de vos accusations? Je vous préviens, je ne me contenterai pas d'un linge, même taché de sang. Monsieur le procureur vous apportera lui-même la preuve de ce que j'affirme. Vous délirez! Père! N'obligez pas ma mère à venir témoigner. Elle a, je crois, déjà assez souffert. Villefort prend sur lui. Choquée, Victoria pleure en silence. Villefort quitte la salle. Le procès est suspendu, tant qu'une enquête soit faite. On évacue la salle. Haydé jette un coup d'œil au comte. Et dehors. Danglars tire sa femme par la main. Allez, Victoria, venez. Pardon. Laissez-nous passer. Bouleversée, elle cherche en vain le regard d'André et disparaît, entraînée dans la foule. André s'approche d'Eugénie, restée seule sur le banc. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Ton père me voulait comme gendre, mais cela ne se peut pas puisque ta mère est également la mienne. Il lui prend la main. N'oublie pas tes lignes de vie. Sois heureuse, ma sœur. Il part. Dans la salle vide, Eugénie, le souffle coupé, se rassoit sur le banc. Le comte quitte le tribunal, Haydé à son bras. Comte! Danglars le rattrape dans le couloir. Comte! Haydé s'éclipse. Cette histoire n'a aucun sens. on nage en plein délire. Mes bateaux hier étaient encore à Marseille. Je vais avoir besoin d'un délai pour vous rembourser. Si... Vous n'avez plus rien, Baron. Tout ce qui était à vous est à moi, désormais. La seule chose qui vous reste, ce sont les vêtements que vous portez. Quittez Paris sur le champ et peut-être que je ne laisserai pas votre femme et votre fille mourir de faim. Enfin, comment tu... Vous me trouvez brutal, Baron ? Il se penche à son oreille. Non seulement je le sais, mais je m'en vante. Danglars se décompose. Il recule lentement et fixe le comte avec sidération. Le comte le dévisage froidement. Vous devriez raccompagner votre femme sans délai. Elle est bien pâle. Victoria entraîne Danglars déboussolé. Le comte les regarde partir. Et de deux. Au ralenti, le public quitte la salle d'audience et se dirige vers la sortie par deux escaliers parallèles. André emprunte celui de gauche, les yeux rivés sur Villefort, qui descend par celui de droite. Villefort traverse la galerie du rez-de-chaussée et se dirige vers la sortie escorté par deux gardes armés. Derrière eux, André se fraye un chemin dans la foule, une dague à la main. Haïdé se précipite dans l'escalier, l'air paniqué, en relevant le bas de sa robe de taffetas noir. Villefort s'arrête. André avance vers lui. Haïdé scrute la scène depuis l'escalier. Villefort se retourne. André lui fait face. De la part d'Angèle. Il lui plante la dague dans la gorge. Villefort tombe à genoux. Il se tient le cou, fusille André du regard et s'écroule. Le souffle court. André sort de sa torpeur. Il tourne les talons et lâche la dague. Un garde le vise. Écartez-vous ! Haïdé hurle. André est touché dans le dos. Dans un couloir, le comte suspend son pas, alerté par les cris. Haïdé se précipite. André s'écroule à ses pieds. Paniqué, les gens se sauvent en courant. Haïdé se penche sur André, les yeux embués de larmes. Pourquoi ? André lui sourit dans un souffle. Il approche péniblement la main de son visage et lui effleure la joue. Son regard bleu se perd doucement et se fige. Le comte arrive en haut des escaliers et découvre la scène. Dans la galerie désertée, un garde est agenouillé auprès de Villefort. Trois autres surveillent les lieux, fusil en main. À quelques mètres, André gît sur le sol à damier, Haïdé en fleur à ses côtés. Ébranlé, le comte accuse le coup. Haïdé se penche doucement sur André. Elle dépose un baiser sur son front et reste prostrée. Le comte recule lentement et s'en va. Vu d'en haut, Haïdé pleure, penchée au-dessus d'André. Dans le parc du palais, Edmond et Haïdé, vêtus de noir, se tiennent devant la tombe d'André, à l'ombre d'un grand chêne. André de Villefort, 1815-1835, est gravé sur la stèle de pierre blanche. Un épais châle noir sur la tête, Haïdé regarde fixement devant elle, les yeux dans le vide et les mains jointes. Edmond approche sa main. Haïdé l'esquive d'un geste brusque. Je tiens à mon On savait que ça finirait comme ça. Elle part. Je tiens. On le savait. Haïdé. Elle s'arrête et fait volte-face. Non, Asculta. Il a désobéi. Non, Asculta. Désobéi. Elle revient lentement vers Edmond. Désobéi à quoi ? Il la fixe, décontenancée, appuyée sur le pommeau de sa canne. Vous ne lui avez enseigné que la haine. C'est vous qui avez mis cette dague dans sa main. Il secoue la tête. C'est à peine qu'il parle. Elle le dévisage, le regard teinté d'une rage froide. Je l'aimais comme un fils. Elle réprime un sourire sarcastique. Moi aussi, vous m'aimez ? Elle le fixe. Moi aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance ? Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Elle le dévisage. Et part sans se retourner. N'oublie pas tes larmes, Aïdée. Les cris de ta mère et le sang de ton père, n'oublie pas. N'oublie pas le nom de celui qui les a trahis. N'oublie pas son nom. Aïdée entre dans la salle de musique. Elle est bouleversée. Elle se laisse tomber à genoux. Dans la salle voûtée, Edmond plante rageusement la dague dans la table. Il la fixe, le regard sombre, et se lève. Aïdée écrit à Albert. Si vous m'aimez comme je vous aime, ne cherchez pas à me revoir. Vous êtes trop noble de cœur pour ne pas me comprendre. Je garde ma force pour lutter contre moi-même et boire mes larmes. Soyez heureux loin de moi. Vous le méritez. Albert se précipite hors de sa chambre. Alerté par le bruit, Mercedes traverse la maison et l'aperçoit en bas de l'escalier. Albert ? Il la regarde sans un mot et s'en va. Dans le parc du palais nimbé de brume, Albert, monté sur un cheval blanc, galope à bride abattue sur une allée bordée de cèdres. Il traverse un pont et gravit 4 à 4 le grand escalier extérieur. Il monte à toute vitesse l'escalier menant à la salle de musique et pénètre au courant à l'intérieur. Aïdée se retourne. Se précipite vers lui. Vous êtes fou. Vous ne pouvez pas rester. Aïdée. Il lui prend les mains. Je ne vous connais que depuis quelques mois. Partez. Elle lui pose la main sur la bouche. Fuyez-moi comme on fuit la peste. Je ferai votre malheur. Mais fuyez avec moi. Je vous jure, Aïdée. Au lieu du désespoir qui nous attend, c'est le bonheur que je vous promets. Elle fait non. Vous ne me connaissez pas. Et recule. Vous ne connaissez pas le comte. Aïdée. Si vous m'aimez comme je vous aime. Albert, dévasté, la dévore des yeux. Dites-moi adieu. Je vous en supplie. Il la fixe, abasourdi. Dites-le ! Les larmes embuent ses yeux rougis. Je vais donc vous le dire. En attestant Dieu qu'il y a au fond de mon cœur. Que je vous souhaite une vie assez heureuse pour qu'il n'y ait pas de place pour mon souvenir. Un voile d'inquiétude passe dans le regard d'Aïdée. Adieu, mon amour. Ce regard... Elle fait un pas vers lui. Sans vous, ma vie est perdue. Mon malheur certain. Qu'allez-vous faire ? Mais rassurez-vous, je tiendrai ma promesse. Mais pas le pitié, vous vivrez, n'est-ce pas ? Que vous importe ? Puisqu'à vos yeux, je suis déjà mort. Elle se jette dans ses bras. Il la serre contre lui. Elle ferme les yeux. Fuyons. Ils partent main dans la main. Ils entrent dans la salle voûtée. Le majordome chauve leur barre la route. Le comte arrive derrière eux. Albert et Aïdée lui font face. Aïdée, si tu désires rejoindre la famille Morcerf, il me semble qu'Albert mérite de connaître ton histoire. Si tu restes silencieuse, je serai contraint de garder ta main ou de parler à ta place. Elle le considère avec stupeur. Faut-il vraiment que je parle en ton nom ? Comte, s'il vous plaît. Aïdée est en réalité la fille... Arrêtez ! Ils s'affrontent du regard. Je vais parler. Les mains croisées dans le dos, le comte reste impassible. Aïdée fait quelques pas dans la grande salle voûtée. Décontenancée, Albert la suit des yeux. Elle se tourne vers lui. Mon père était un homme illustre. connu sous le nom d'Ali Tebelin. Pacha de Janina. Albert l'écoute attentivement, le regard plein de doute. Le comte baisse les yeux. J'avais 10 ans, quand on l'a tué sous mes yeux et ceux de ma mère. Il avait reçu un soldat français, qui était notre allié. Elle jette un coup d'œil au comte. Percé par une 10aine de balles. Elle s'approche d'Albert. Mon père a trouvé la force de rester debout et a tiré sur l'homme qui l'a vendu. La respiration d'Albert s'accélère. En le crevant un œil. Je n'ai jamais revu ma mère. Cet officier m'a vendu comme esclave à une tribu valaque des Balkans. Il s'appelait... Ça suffit. Albert. Le comte observe calmement la scène. Albert le pointe d'un doigt menaçant. Vous m'avez manipulé depuis le début. Je vous avais mis en garde. Vous vous êtes servi de moi. Ne prononcez pas des paroles que vous ne pourriez pas reprendre. Vous croyez me faire peur? Pour la dernière fois, cessez de me provoquer. Albert, je t'en prie. Comte. Vous m'avez tout pris. Il ne me reste que mon nom, et vous l'avez sali. Il lui jette son gant. Non. Aïdé agrippe le comte. Oh, je vous en supplie. Monsieur, je prends votre gant pour jeter. Je vous le rendrai roulé autour d'une balle demain à la première heure. Albert tourne les talons. Aïdé lui emboîte le pas et s'arrête devant le majordome. Elle se précipite sur le comte et l'empoigne. Vous n'avez donc aucune pitié? Et eux? Comment ont-ils eu pour Edmond Dantès? Il lui saisit le visage. Regarde-moi. Je ne suis plus que le bras armé de la sourde et aveugle fatalité. Il esquisse un sourire sibyllin. Il lui lâche le visage. Et Fernand de Morcerf connaîtra ce que mon père a connu. Aïdé le regarde avec effroi, les yeux embués de larmes. Si vous tuez Albert, vous ne pourrez plus dire « Dieu est pour moi ». « Dieu est avec moi ». Vous serez un assassin. Le comte fait non. Il est écrit dans la Bible que les fils paieront pour les crimes de leur père. Elle soutient son regard et s'éloigne. Jacopo, celui-là. Jacopo obéit. Le comte ramasse le gant d'Albert. Il le considère un instant et lève son regard vers la porte. Aux premières lueurs de l'aube, une silhouette capuche relevée sur la tête traverse le parc brumeux du palais. Jacopo l'accueille en haut des marches. Dans le patio, le comte charge un pistolet. Jacopo fait entrer l'inconnu. Les flammes du brasero dansent au centre de la pièce illuminée par des chandelles. Laisse-nous, Jacopo. Mercedes s'avance d'un pas vif. Madame, que faites-vous ici? Edmond, tu ne tueras pas mon fils. Quel nom avez-vous prononcé? Le tien. Elle s'approche. Edmond, ce n'est pas Madame de Morcerf qui est devant toi, c'est Mercedes. Je ne connais personne de ce nom. Il lui tourne le dos et s'éloigne. Je t'ai reconnu à la seconde où je t'ai vue. Et même sans te voir, j'aurais reconnu ta voix. Ma raison luttait, mais mon cœur savait. Depuis ce jour, je te suis, je te regarde. Je cherche à comprendre ce que tu manigances avec Morcerf. Fernand, vous voulez dire, madame? Puisque nous nous rappelons nos prénoms, rappelons-nous les tous. Il se tourne vers elle, le regard triste. La coupable, c'est moi. Elle s'approche plus près. C'est moi qui manquais de force face à ton absence et à ma solitude. C'est moi qui manquais de foi à l'annonce de ta mort. Moi. Mais pourquoi? Pourquoi étiez-vous seul? Pourquoi étais-je absent? Pourquoi m'a-t-on arrêté? Pourquoi m'a-t-on donné pour mort? Pourquoi? Je l'ignore. Il glisse la main dans son gilet et en sort une lettre. J'imagine qu'il ne vous écrit plus de lettres d'amour. Mais je pense que vous reconnaîtrez aisément son écriture. Il la déplie et la lui tend. Voilà. Voilà ce que ton mari a écrit à Villefort il y a 20 ans. Elle lit et se décompose. Il faut que je me venge, Mercedes. Il le faut. Alors venge-toi, Edmond. Mais venge-toi sur les coupables. Venge-toi de Fernand qui t'a trahi. Venge-toi de moi, mais épargne Albert. Troublé, Edmond la dévisage. Si tu savais toutes les prières... Mercedes retient ses larmes. Si tu savais toutes les larmes que j'ai versées... As-tu perdu ton père dans la solitude? As-tu vu l'être que tu aimais dans les bras de ton rival? As-tu vu tout cela? Non. Elle se reprend. Mais je vois l'homme que je n'ai jamais cessé d'aimer. Prêt à devenir le meurtrier de mon fils. Edmond recule sans la quitter des yeux. Il se détourne et s'éloigne. Que veux-tu, Mercedes? Il lui tourne le dos. Tu veux que ton fils vive. Il vivra. Elle esquisse un sourire reconnaissant, les yeux remplis de larmes. Merci. Elle le rejoint. Merci, Edmond. Et se blottit contre lui. Je te retrouve. Tel que je t'ai toujours rêvé. Tel que je t'ai toujours aimé. Un sourire illumine son visage. Edmond la dévore des yeux avec tristesse. Il lui effleure délicatement la joue, saisit doucement son menton. Et maintenant, il faut nous dire adieu. Adieu. Elle l'interroge du regard. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Le duel aura lieu demain. Elle tressaille. Adieu, Mercedes. Il la laisse abasourdie et quitte la pièce. Dans un bois. Monsieur Albert de Morcerf, vous avez publiquement provoqué le comte de Monte Cristo. Le duel se fera à 20 pas à mon commandement. Albert et le comte se font face. Priorité à l'offensé. Le témoin leur tend chacun un pistolet. En position. Albert et le comte se placent dos à dos. Allez, messieurs. Ils avancent chacun de 10 pas, pistolet à la main sous les rayons blafards du soleil. Albert en blanc, le comte en noir. Ils se retournent et échangent un long regard. Albert est fébrile. Impassible, le comte arme son pistolet et le pointe sur Albert, tremblant. Feu ! Le comte dévie son arme et tire à côté d'Albert. Le jeune homme sursaute. Le comte baisse son arme, le regard grave. Albert arme à son tour et vise le comte d'un air déterminé. Leurs regards se croisent. La main d'Albert se met à trembler. Sa respiration s'accélère. Feu ! Le comte ferme les yeux. Une calèche arrive au palais. Les rideaux de la cabine sont tirés. Haydée descend le monumental escalier extérieur et s'arrête sur un palier. Appuyée à la rambarde, elle scrute l'attelage avec appréhension. Elle descend et se hâte jusqu'à la calèche. Jacopo abaisse le marchepied. Le comte apparaît à la porte. Haydée s'immobilise. Il gravit quelques marches jusqu'à elle. Je crois avoir dans tes yeux une lueur de déception. Elle braque sur lui un regard assassin. Je ne vous pardonnerai jamais de lui avoir arraché la vie. Et de m'avoir arraché le cœur. Il baisse les yeux. Tu l'aimais donc? Si je l'aimais... Tout me poussait à le haïr, mais sait-on pourquoi on tombe amoureux? On a beau essayer de se raisonner, il est trop tard. On a perdu l'équilibre. Votre voix secrète vous souffle qu'il n'y a plus de hasard. Mais au lieu d'écouter cette voix, c'est la vôtre! Elle le frappe. Que j'ai écoutée! J'aurais fait son malheur et le mien! Que vais-je faire? de cet amour que je ne lui ai pas donné, de ces mots que je ne lui ai pas dit. Vous les lui avez dit. Et il les a entendus. Albert sort de la calèche. Aïdé pousse un soupir de soulagement et se jette dans ses bras. Albert lui sourit. Il se donne un baiser et se regarde avec amour. Aïdé tourne la tête vers le comte. Comte ! Il se retourne vêtu d'un long manteau de cuir noir. Fuyez maintenant. Fuyez et ne laissez personne voler votre bonheur. Il s'éloigne en direction du palais. Dans la clarté du soleil naissant, les amoureux s'embrassent. Ils échangent un regard et se sourient. Mercedes s'approche d'une calèche chargée de bagages et lève la tête vers sa maison. Fernand l'observe depuis une fenêtre du premier. Elle monte dans la cabine. Le valet de pied ferme la porte. La calèche s'ébranle. L'imposante statue du Templier monte la garde devant le palais de Monte Cristo. Fernand traverse le parc au grand galop et met pied à terre au bas de l'escalier. Edmond ! Son épée à la main, il gravit 4 à 4 les marches du palais. Edmond ! Il s'avance dans le vestibule et lève les yeux vers la coupole. Edmond, montre-toi ! Edmond descend lentement l'escalier en pierre blanche. Je t'attendais. Tu montres enfin ton vrai visage. Et moi, j'ai cherché à connaître le tien, Fernand. Savoir qui tu étais, réellement. Alors j'ai suivi tes traces. Je suis allé partout où tu as été. Je les ai tous rencontrés. Tes amis, tes frères d'armes, tes ennemis, tous. Qui n'as-tu pas trahi, Fernand ? À qui es-tu resté fidèle ? Partout, tu as montré ton vrai visage. J'ai perdu foi en l'homme, le jour où tu m'as trahi. Les deux hommes s'affrontent du regard. Tu aurais dû me tuer. Il n'est jamais trop tard. Ils croisent le fer. Fernand tombe en arrière. Il se relève. Il coince Edmond contre une colonne. Edmond lui met un coup de tête. Il débouche sur le seuil du palais. Edmond pousse Fernand sur le perron. Il s'empoigne et roule en bas des marches. Fernand perd son cachet. Ils récupèrent leurs épées et reprennent le duel. Edmond lui met un coup de poing. Fernand le frappe au visage avec son pommeau. Fernand se jette sur Edmond. Il le bloque contre la balustrade en pierre et le pousse dans le vide. Edmond tombe à plat ventre sur le sol. Il cherche son souffle. Fernand descend l'escalier. Edmond se tourne péniblement sur le dos. Fernand s'approche de lui, traînant la pointe de son arme sur le sol. Edmond se redresse, saisit son épée et la pointe sur Fernand, qui la dégage d'un coup de lame. Edmond se relève, Fernand le pousse du pied contre une table en pierre. Fernand brandit son épée. Edmond saisit la lame et lui enfonce son épée dans le ventre. Fernand recule. La lame entaille la paume d'Edmond. Fernand grimace. Une main sur sa blessure. Edmond lui fonce dessus. Fernand esquive le coup. Edmond s'avale dans l'herbe. Fernand tente de l'embrancher. Edmond le frappe au genou et se relève. Il esquisse un coup d'épée. La lame de Fernand se brise sur la statue du Templier. Fernand considère son épée transformée en poignard. Il se rue sur Edmond qui tente de se dégager. Fernand lui plante la lame dans le ventre. Edmond se fige. Sa respiration s'accélère. Fernand lâche doucement son arme et le fixe douloureusement de son regard borgne. Edmond le cogne au visage. Fernand vacille et tombe sur le dos. Edmond le considère. Il lui tourne le dos et s'éloigne, chancelant, traînant son épée derrière lui. Fernand se relève. Ses mains et les manches de sa chemise blanche sont couvertes de sang. Edmond lâche son épée. Fernand se touche le visage et se dirige en titubant vers Edmond. Edmond avance d'un pas saccadé et tombe à genoux face au lac. Fernand ramasse l'épée et s'approche dans son dos. Edmond regarde au loin, les yeux noyés de larmes. Une larme roule sur sa joue. Il saisit le manche du poignard encore planté dans son ventre. Et attend. Fernand lui pointe l'épée sur la nuque. Edmond reste immobile. Fernand le contourne et lui fait face, l'arme tendue devant lui, l'autre main sur sa plaie. Lève-toi ! Edmond le fixe. Fernand se jette sur lui. Edmond le désarme et le frappe. Fernand s'étale sur le dos. Edmond s'approche. Il l'attrape par le col et lui met le poignard sous la gorge. Fernand ferme les yeux. Regarde-moi ! Regarde-moi ! Fernand ouvre son œil valide. Moi. Edmond fait non. On trouve toujours une grandeur aux morts. On finit par leur pardonner. Il se relève. Le toise. Je veux pas qu'on me pardonne. Et tourne les talons. Fernand se recroqueville en position fétale, le visage enfoui dans l'herbe. Vu du ciel, dans la lumière blafarde du jour, Edmond retourne, le pas traînant, vers son palais. Noir. Sur la petite place pavée de Marseille, deux femmes frottent du linge au lavoir à l'ombre des platanes. Mercedes passe à côté d'elle, les cheveux tirés en chignon, la taille serrée sous un manteau austère. Elle pénètre dans la petite église et met sa mantille sur la tête. Elle s'assoit au deuxième rang et ouvre la Bible posée à côté d'elle. Une lettre se trouve à l'intérieur. Elle jette un regard par-dessus son épaule, repose la Bible sur la chaise et parcourt la missive. Mercedes. Je suis venu te dire adieu à l'endroit où la vie nous a arrachés l'un à l'autre, il y a 21 ans aujourd'hui. Tant de choses se sont brisées en moi et autour de moi depuis que l'homme que tu as connu n'est plus. Je t'avais promis de t'aimer jusqu'à ma mort et encore longtemps après. Et je t'aimerai toujours, mais il n'est plus en mon pouvoir de t'apporter le bonheur. Je ne peux plus t'offrir que la consolation. Ton fils sera heureux. Albert et Haïdé vivront l'histoire que nous n'avons pas pu vivre. Bonheur à nos enfants, qui vont nous survivre et goûter la douceur de l'amour. Mercedes retient ses larmes. En t'écrivant, je vis mes derniers moments avec toi. Tout, après, ne sera que souvenir. Je les emporterai avec moi sur la mer, le seul endroit sur Terre où tout est horizon et où il n'y a pas de traces laissées par les hommes. Un trois-mâts vogue vers le soleil couchant. Vis et sois heureuse. N'oublie jamais, jusqu'au jour où la Providence nous réunira peut-être à nouveau, que toute la sagesse humaine est dans ces deux mots, attendre et espérer. Mercedes esquisse un sourire bouleversé. Edmond Dantès, comte de Monte Cristo. Sur le pont du bateau, Edmond regarde l'horizon. Le visage caressé par le vent, il ferme les yeux. Noir. Le Comte de Monte Cristo. Un film de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Avec Pierre Ninet, Edmond Dantès, Bastien Bouillon, Fernand de Morcerf, Anaïs de Moustier, Mercedes, Anna Maria Bartolomei, Haïdé, et Laurent Lafitte de la Comédie Française, le procureur de Villefort. Avec la participation de Pierre Francesco Favino, l'abbé Faria, Patrick Mille, Danglars, Vassili Schneider, Albert, Julien de Saint-Jean, André, Julie de Bonnat, Victoria, Adèle Saint-Phal, Angèle, Stéphane Varupel de la Comédie Française, Cadrousse, Marine Arbonne, Eugénie. Produit par Dimitri Rassam, coproduit par Ardavan Safi, coproduit par Bastien Siraudot et Cédric Ilan. Tournage Malte, Falcon Film Productions. Productrice exécutive, Annika Psella Savona. Producteur exécutif, Pierre Elloul. Scénario, adaptation et dialogue, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, d'après l'œuvre d'Alexandre Dumas. Montage, Célia Lafitte-Dupont. Musique originale, Jérôme Robotier. Ingénieur du son, David Rie. Montage son, Lauren Darras, Marion Papineau, Olivier Touche, Gwenolé Le Borgne. Mixage, Marc Douane, Samuel Delorme. Une coproduction Chapter 2, Pathé, M6 Film, Fargo Film, Logical Content Ventures. En coproduction avec U-Média, en association avec U-Fund. Avec la participation de Canal+, Ciné+, M6 et W9. Avec le soutien de la région Île-de-France et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec le CNC, Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, et de la SACEM. Avec le soutien de la BNP. Une audiodescription, écrite par Meryl Guyard, lue par Nathalie Spitzer, avec la collaboration de Wisa Wouyed. Enregistrée et mixée par Sébastien Ayoub pour Transperfect Media France en 2024. Îngeraș cu dulci lumine, oh, mi-e dor și plâng de jale, tot privind în altă cale, tot privind în altă cale. Zi și noapte, pudorere. Doio sofletum te cere. Și cu dulci, cu blânde șoapte, te chem veșnic zi și noapte. Te chem veșnic zi și noapte. Scumpă dor, scumpă dor, dulce iubire, unde-i fața ta slăvită? Unde-i glasul ce pătrunde? Unde ești, dragul meu, unde? Unde ești, dragul meu, unde? Dar fi cerul cu iubire, iar aducea ta zamere. Dar fi cerul, dar fi cerul cu nura. Dar vai mie, vremea zboară, zile veacuri se strecoară, și-ai mei ochi nu văd lumină, și durerea durerea nu s-a alină.